Radio du monde, le son en devoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, Radio Boomerang 89.7 FM. Vous êtes dans l'émission Eclipse et on est ensemble jusque pas d'heure. On ne sait pas encore si on finira à 22h30 ou plus tard. Pour l'instant, on démarre l'émission, c'est déjà pas mal. On est à l'heure, c'est déjà une bonne chose. Voilà, ce soir, ça fait 5 ans qu'ils sont pas venus dans les studios. Et pour cause, parce que voilà, à cause du Covid, à cause de pas mal de choses, on s'est pas vu. On devait se voir normalement l'année dernière, mais donc ils sont venus en 2018 avec l'album Passenger. Et puis donc, je vous ai passé un titre de cet album que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce groupe. C'est pour ça qu'ils sont là ce soir. Merci. Et puis donc voilà, je vous propose de passer la soirée avec Astra Sonic, ce soir. Donc, salut les Sonic. Salut. Salut Franck. Salut Franck. Voilà, mais j'espère que ça a été, parce que quand même, vous venez pas de la porte à côté. Non. Et puis, il y a eu malheureusement des accidents sur la route. Pas nous. Pas nous, hein, non. Mais, mais voilà. Parce que mon épouse est au... Écoute. Pas nous. On va la rassurer. Nous, ça va. Ils sont là, ils sont entiers. Nous, bon, ça va. On a dû laisser ouais. Deux déambulateurs dehors, mais bon, voilà. Ça va aller. Il n'y a pas de souci. Ok. En tout cas, ça fait grand plaisir de vous recevoir ce soir. Ouais. Plaisir voilà, partagé. Ça fait longtemps qu'on en parle de ce nouvel album qui vient de sortir. Il est tout chaud. Oui, le 26 mai. Voilà, il est sorti le 26 mai. Très joli le mois de mai. C'est l'année de mon anniversaire. Enfin, c'est le mois de mon anniversaire. Ah, c'est cool. Donc c'est un mois très cool. Ok. Pas mal de chemin parcouru là depuis 2018. Énormément. Beaucoup. Effectivement. Ouais. Énormément. Oui. Il y a eu le Covid, il y a eu des... Ouais, ça, c'est voilà. Une mauvaise blague. C'est une mauvaise blague pour tout le monde. C'est pas bon, ça. Voilà, et puis je sais pas comment on a fait. On a accumulé les petits problèmes, les galères, dans tous les sens, etc. Mais bon, on finit par avoir un album qui est génial, qui sort seulement maintenant, après pas mal de temps d'attente. Oui. Les fans ont quand même attendu derrière, ils étaient là, donc voilà, ça a été. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de galères et on a mis beaucoup de temps à le faire. Et on espérait en plaisir aussi, voilà. Mais pas mal de frustration parce qu'on a dû refaire pas mal de fois les choses. Bon. Ouais. Puis même pour répéter, ça devait être bien chiant aussi, quoi. Ben on n'a pas répété pendant le Covid, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. On a travaillé. La facilité qu'on a eue, je veux dire, par rapport à des albums qui ont été faits il y a 20-30 ans, c'est qu'on a Internet. Oui, et donc ça. La possibilité de s'envoyer des fichiers, de travailler à distance. Ouais. Alors, c'est pas la même chose, évidemment, non. Mais le plaisir n'est pas le même, mais en tout cas, la motivation y était et les facilités techniques existent. Donc, ça, c'est quand même un gros, gros avantage qu'on a eu. Malgré toutes les galères, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais... En fait, on a travaillé et l'album, en fait, clairement, l'album, il est composé, il est finalisé pour nous, en tout cas, depuis un an et demi. Il a même été enregistré deux fois. Il a même été enregistré deux fois, donc c'est pour te dire. Parce qu'on a eu une inondation aussi, il n'y a pas eu que le Covid. Hein. Oui, on a eu tout. On a eu un studio inondé, enfin bref, on a eu la totale, ouais, non, franchement, voilà. Ok. Enfin okay. Voilà, il est là maintenant. Oui. Ben après, ça fait aussi un bout de temps qu'on en parle. Hein. Je veux dire, on se contacte sur Facebook. On en parle et puis plusieurs fois j'ai dit mais alors ça y est ça arrive c'est pas encore tu comprends bah oui bon ok d'accord je comprends allez ok on va attendre heureusement qu'on est sympa ouais c'est ça non mais en réalité c'est pour faire sur des chaudes braises et que voilà ils attendent vraiment le moment où cet album va sortir et puis non en tout cas on aura l'occasion d'en parler enfin l'année 2023 ça a été une année de ouf mais pour tout le monde je crois Ah ouais. Et puis ce que j'ai l'habitude aussi de dire merci quand même de faire des compositions parce que sans vous la radio n'existerait pas et puis donc on aurait toujours les mêmes émissions se baserait sur des choses qui existent déjà et il y a énormément de choses, je parle pas seulement ici métropole et Belgique mais vraiment dans le monde entier il y a eu énormément de choses qui sont parues, on a du mal à faire le tri tellement il y a de trucs quoi. Et dans les pays du sud ça bouge beaucoup aussi, Italie, Portugal, incroyable, plein de groupes qui sortent des jeunes incroyable, dingue. Et dans les pays de l'Est n'en parlons pas, qu'il y a Ukraine, Pologne, Danemark, Suède, enfin c'est un truc de fou. On sait, moi perso sur des playlists j'arrive plus à savoir où donner de la tête. Il y a tellement de choses qui sentent, j'ai envie de taire. Je suis tout seul ici, je fais 2 heures d'émission. Au bout de 2 heures, je fais putain, j'ai passé que la moitié de ce que je voulais passer. Quoi. Donc cet album qui est sorti donc en mai, ici, le 26, 2023, le 26 mai. Officiellement, ouais. Ok. Donc voilà, c'est un nouveau petit bébé. Il y a combien de titres sur ce nouvel album ? Il y en a 12. Oui. 12 titres, ouais. Ok. Donc c'est encore une fois du fait main ? C'est oui bien sûr c'est vraiment c'est, en fait l'histoire un peu de cet album c'est qu'on est reparti vraiment d'un esprit garage. On s'est dit allez on va faire comme quand on était jeune, on se met ensemble, on fait de la jam, on ne sait pas vers quoi on part, c'est pas que quelqu'un arrive avec une idée d'une compo finalisée, etc. Mm-hmm. C'est vraiment on part de rien, il y en a un qui lance une note et on se tape tous dessus et on laisse faire la vibes. Et c'était l'idée au départ et on a fait 3 week-ends comme ça et sur les 3 week-ends, on a sorti 45 idées de morceaux. Et puis on a fait le tri et du coup ben oui après ça une fois qu'on avait ces idées là qui étaient vraiment le terreau de départ ben on a construit on a commencé à faire les arrangements à la maison à s'échanger les fichiers à travailler à finaliser et puis on retournait en studio pour enregistrer quoi. Ok. Donc, et puis de ces 45 idées on a gardé finalement on a écrit 15 morceaux. Ouais. Et puis il y a 3 morceaux qui ont été écartés parce que pour telle ou telle raison, il ne correspondait pas à ce qu'on voulait pour l'album, et on a gardé 12, ce qui nous paraissait bien. Et alors, ce qui était intéressant en termes de processus de création, c'est que finalement, on ne s'est pas mis de limite, c'est-à-dire que, bon, bah, Raphaël est à la guitare, Seb à la basse, mm-hmm. Tim à la batterie, moi au chant, mais en Weekend Jam, Tim s'est retrouvé avec une basse en main, je me suis mis derrière la batterie, parce que je joue un peu de batterie aussi. Donc, on a vraiment bougé, en fait. Échangé, et le fait d'explorer quelque chose, d'aller creuser une idée dans un instrument qui n'est pas le sien, permet de faire des choses qu'on ne ferait pas avec son propre instrument, peut-être, parce que, comme on le connaît moins bien, on ose des trucs qui finalement donnait parfois des très très bonnes idées. Non, ouais. C'est très intéressant de changer de siège quand tu es musicose dans un groupe. D'accord. Alors quand tu sais, évidemment, quand tu ne sais pas du tout, mais bon, on a la chance d'être plus ou moins. On se débrouille un peu. Plus ou moins tous multi-instrumentiste, quoi. Donc, voilà. Non, mais c'est bien. Ouais, et puis ça permet aussi, comme tu disais, ça permet aussi d'avoir des idées, peut-être des choses que. On pense pas. Après, moi, je sais, hein, je suis aussi zikos, donc je sais que quand j'ai mon instrument dans les mains, il y a des choses que je vais faire, et je suis sûr que si une autre personne prend mon instrument, elle va faire complètement autre chose, et que j'ai trouvé, waouh, putain, je vais dire, mais voilà, quoi. c'est ça. Moi, je suis dans mes petits souliers, je joue, et puis, voilà, quoi. Mais ça permet de ne pas retourner toujours dans les mêmes clichés qu'on utilise, les mêmes schémas de musique qu'on utilise, parce que, on en a tous, forcément. C'est ça. Mais c'était très riche, en tout cas. Et alors ça a permis, ces 3 week-ends ont quand même permis de nous lier d'une façon vraiment très très forte. C'est, je pense que c'est vraiment au premier week-end que Astrasonic est devenu un groupe avec des liens aussi forts. Aussi fort. D'autant plus que par rapport au premier album, on a un vrai batteur maintenant en team, ce qui n'était pas présent pour l'album Passengers, puisque c'était une batterie virtuelle qui jouait. Donc la dynamique du groupe a changé et ça a vraiment tissé des liens très très forts. Et avec toutes les galères qu'on a passées, je pense que si on n'était pas un vrai groupe maintenant, l'album ne serait pas là. On n'aurait pas tenu, franchement, avec toutes les galères qu'on a vécues, on n'aurait pas tenu si on n'était pas un vrai groupe. Je pense qu'on s'est vraiment lié humainement. Il faut toujours rappeler aussi, pour les gens qui écoutent, c'est important, c'est qu'un groupe, c'est avant tout une histoire humaine. C'est une relation entre des gens. Oui. Et il ne suffit pas de bien jouer un instrument. Il faut se connaître, il faut accepter les limites de chacun. Il faut aussi prendre en compte les compétences de chacun. C'est vraiment un mélange de compétences, de savoir-faire. C'est une famille, oui. Et faut être unis au niveau humain pour que ça puisse fonctionner. Absolument, absolument. Ouais. Bien d'accord avec vous. Un morceau du premier, enfin du deuxième album, donc cet album s'appelle Society. Donc il est sorti ici le 26 mai. Ouais. Et j'ai choisi. Alors vous allez me dire si ça vous va. tout nouveau. Choisi Wave of Colors. Ah ouais, ouais. Excellent. Ouais, ouais. Et tu sais quoi, c'est un morceau qui fait printemps, qui fait été, il y a du soleil, c'est bien. C'est un morceau qu'on a envie d'être en festival et voilà. Donc nous sommes dans la fête de la musique, nous sommes en plein solstice d'été. Ah, voilà. Je me suis dit, why not? Allez, on s'écoute ce morceau-là, donc Wave of Colors, donc tiré du nouvel album Society de Astray Sonic. Et on se retrouve tout de suite après, si vous le voulez bien, même si vous ne voulez pas, de toute façon. Vous êtes obligé d'écouter ce soir. Si vous... De toute façon, il y a trop de monde sur l'île, c'est le bordel. En plus, à 22h, la mère Aubry va tout fermer les bars. Donc c'est un... Allez pas sur l'île, ça sert à rien. Restez chez vous, écoutez la radio, ce sera bien. Go, c'est parti. Tu veux en parler, j'y sais. Oh, je peux. Allez. Donc, en fait, c'est un morceau qui a été écrit pendant le confinement, bien sûr. Je te donne le micro. Oui. Donc, c'est un morceau qui a été écrit pendant le confinement, où, où on trouvait que bon, il y avait plus d'exposition, il y avait plus de concerts, il y avait plus rien, plus rien n'était autorisé, et donc ça nous manquait beaucoup. Et je trouvais que le monde était fort en noir et blanc. Et finalement, je me suis posé la question de savoir si les artistes, de toutes sortes, hein, donc c'est pas juste les musiciens, c'est vraiment les photographes, les sculpteurs, les peintres, etc. L'art en général. Je trouvais qu'ils apportaient, enfin, je me suis dit, en fait, ils apportent toute la couleur au monde, toute l'émotion, tout ce que le pratico-pratique n'apporte pas. Mmh. Et donc, en fait, ce morceau est une ode aux artistes, vraiment c'est vraiment dire tout ce qu'on apporte en termes d'émotion, en termes de couleur dans le monde. Et au final, c'est vraiment « come with us in a wave of time ». Venez avec nous, on vous embarque et venez vivre le moment et l'émotion avec nous. Et alors, le petit truc qui m'a fait sourire, parce que j'ai réussi à placer un mot qui n'est pas plus important que les autres, c'est dans le refrain. En fait, il y a le mot « passengers », qui est le titre de notre premier album. Donc ça s'est fait un petit peu par hasard, c'était pas calculé du tout, mais ça se prêtait bien, ça se mettait bien, et puis bah, ça me faisait doublement plaisir de mettre le mot, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est juste un morceau pour tous les artistes, pour tout ce qu'ils apportent dans le monde. Et c'est vrai qu'au niveau composition, c'est un morceau assez énergétique. Hein. Enfin, à chaque fois qu'on le joue, on s'imagine en festival, franchement, avec du soleil et tout, et plein de gens qui sont là en train de danser. C'est vraiment un morceau entraînant et un morceau de bien-être et de fête, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que pendant cette histoire de Covid, il y a eu des concerts qui ont eu lieu, des concerts live qui ont eu lieu via Facebook, via... on en a fait un en live stream. Ouais, c'est vrai. Honnêtement, avec tout le respect pour les gens qui nous ont super bien accueillis, vraiment, c'est pas cool, quoi, parce qu'il n'y a pas les gens, on fait de la musique t'as pas l'émotion qui revient pour du public, transmettre une émotion de la scène vers les gens, et quand ça prend, il y a vraiment l'énergie qui revient du public, ça nous booste à mort. C'est vrai que dans ces concerts-là, on pouvait interagir avec le groupe. Oui, mais on ne voit pas. Nous, on ne voit pas. À moins, il y aurait fallu quelqu'un qui soit à côté du... Même temps, ça marcherait pas parce que on joue de toute façon, on n'est pas dans le même trip. Après, on a vu, on voyait les gens, terrible et tout. Et qui avait envoyé plein de trucs pendant le live, donc on était super emballés. Ça fait plaisir, mais ça fait réchauffer en même temps. On vit pas l'émotion. On vit pas l'émotion en temps présent. Au temps présent, et un concert, c'est un moment présent. Alors, il y a un groupe que je voudrais citer parce qu'ils sont venus aussi ici, et puis eux, ils avaient trouvé un concept pendant le Covid que j'avais trouvé très drôle. C'est qu'ils jouaient chez eux, mais ils faisaient le premier dans leur salle de bain. Deuxième concert, c'était dans leur toilette. Le troisième concert, c'était dans la cuisine. Le quatrième concert, c'était dans la salle à manger. Chaque fois avec un son différent, Chaque fois avec des trucs. Et donc ce groupe s'appelle Dire Dire. Je sais pas si vous le connaissez. Dire. Ah, j'ai déjà entendu. Ouais. J'ai déjà entendu en tout cas le nom. Maintenant, voilà. Donc eux, ils ont fait un concept comme ça et ils ont sorti un album qui s'appelle Live at Home ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Mais je trouvais ça rigolo parce que. Quelque part, on attendait le concert, on disait, où est-ce qu'ils vont jouer cette fois-ci? Une basse et une guitare. C'est une bonne idée, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai suivi pas mal de concerts comme ça pendant le confinement, dès qu'on a pu retourner en concert, évidemment. Putain. Et je crois que le premier concert qu'on a refait, je vais pas te dire de conneries. C'était ici au Black Lab à Westcal. C'était quel concert? Mais on est arrivé et puis plus personne n'avait de masque, quoi. Ah ouais. Et j'arrive à l'entrée avec mon fils et le gars il me fait votre masque. Je dis il faut en mettre un. Il me dit il faut mettre un masque. Il me dit ça c'est obligatoire. Je lui fais un signe, je regarde dans la salle, je fais ils sont où les masques des gens? Ah mais dis donc, mais là vous pouvez aller jusqu'au bar avec le masque. Une fois que vous êtes au bar, vous commandez votre bière et puis après vous pouvez retirer le masque. mais on a vécu ça pendant 3 ans hein, finalement. Ouais, c'est fou. C'est fou par quoi on est passé en fait. Hein. Quand avec le recul, on se dit on a fait tout ça. C'est quoi. Incroyable. C'est incroyable. Encore hein. Tu vois, moi je travaillais dans le commerce, c'était. J'ai connu les rayons de pâtes et de riz complètement vides, tu vois. Il restait juste les pâtes chinoises parce que les gens achetaient pas de pâtes chinoises, tu te rends compte. C'est jamais qu'elles auraient mangé du pangolin. Si le Covid était dans les pâtes, on sait pas quoi. Bah oui. Quand je leur disais, vous me faites marrer parce que c'est marqué Levallois-Perret, donc à mon avis, Levallois-Perret, c'est pas en Chine. Mais bon. Mais ouais, non, mais j'ai connu ce moment-là et nous, on était au boulot, on était vidés parce que le chiffre d'affaires par jour, c'était le chiffre d'affaires qu'on faisait normalement à Noël. Ah oui. Et on faisait ça par jour. T'imagines même pas. Les gens, ils achetaient. Je voyais passer des gens avec des caddies avec 30 blagues d'œufs, 20 kilos de farine. Allez, 150 kilos. C'est incroyable. Ouais, on a pété les. Tu vois, ça m'a rappelé ce qui s'était passé dans les années 80 avec la pénurie du sucre. Ah ouais. Mm-hmm. Il y avait une pénurie du sucre ici dans le. Enfin, je sais pas si par chez vous c'était comme ça, mais il y avait ça dans le Nord. Je me rappelle pas en tout cas. Et tu voyais les chauffesses, ils prenaient 150 kilos de sucre. Voilà. Tu te demandes pourquoi faire, mais bon, après, voilà quoi. Mais bon, c'est vrai que c'était assez particulier. Maintenant, avec le recul, je trouve aussi que les gens ont gardé encore un petit peu cette mentalité Covid. Donc, les gens sont quand même encore relativement aigris, je trouve. Il y a plus. Je sais pas. Les mentalités ont changé et c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne. Même que maintenant, ils attendent la dernière minute. S'ils ont rien de mieux, ils y vont. S'ils ont autre chose, ils y vont pas. Mais c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Maintenant, je pense que les gens ont difficile de se projeter, de prévoir. Ils ont envie de vivre un peu au jour le jour. Ouais. Ça, je peux comprendre. Maintenant, c'est vrai que les gens qui se ruent sur les trucs et qui veulent avoir tout pour eux, pour en espérant ne manquer de rien, etc., pour leur propre sécurité. C'est vrai que ça, c'est des trucs qui sont un peu plus un peu moins bien, quoi, parce qu'il faut penser à tout le monde. Oui. C'est des réflexes qu'on a de dire il faut tout ça, mais bon. En ce moment, ils pensent beaucoup plus à leur gueule que penser à la gueule des autres. Hein. C'est ça. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Mais non, on n'est pas tous comme non, ça. Non, pas nous, regarde. Ben, pas nous, non. On vit dans le piège. Ouais. Exact. Claire. Et puis, vous avez ramené aussi Charline. Elle dit non, mais elle est là. En vrai. Donc Charline... Bon, il y a un micro, il y a un casque. C'est notre Madame Doubtfire. Alors Charline, c'est la personne qui s'occupe de... C'est une amie d'abord, et qu'on aime vraiment beaucoup. Et c'est la personne qui s'occupe de notre booking, donc de tous nos contacts presse, de contacts réservés les concerts, etc. Et donc c'est une personne extrêmement précieuse. Et alors, sortie, c'est petit, elle va commencer à lire parce que... voilà. C'est vraiment le style, ouais. C'est ça. Et en plus, elle fait notre page Facebook. Elle est géniale. Donc bien. Le premier qui dit que c'est dégueulasse, je frappe. Ouais. Et je trouve ça clair. Et elle le fait vraiment, hein. Faites gaffe. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Parce qu'il a testé. T'es rentré dans l'aventure comment, toi? Par hasard, j'ai vu de la lumière. En fait, on a été présenté par... Faisais du café, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a été présenté par un ami en commun qui est ingénieur du son. Et je me lançais parce que j'ai eu la grande idée de me lancer dans le booking d'artistes l'année du Covid. Super. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Il n'y a pas de challenge. C'était la meilleure année. Il n'y a franchement pas de challenge. Et donc on a été présenté comme ça et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et on s'est bien entendu et on s'entend toujours bien. Oui. Okay. Et donc voilà. Et puis elle aime pas. Ouais. Mais maintenant c'est foutu. Je peux vous le dire. Hein, maintenant on est entre nous quoi. Elle m'a envoyé des messages. Elle m'a dit surtout dis pas que j'aime pas. Ok. D'accord. Merci. Ok. Tu sais donc, comment tu rentres? J'adore. En fait, j'adore. C'est génial. Mais sinon, après, j'ai une grande maison. Je peux t'offrir une chambre au deuxième étage si tu veux. Demain, tu te débrouilles pour rentrer. Par contre, parce que il y a des trains. Ça passe. J'ai deux chefs fouettés demain. Et ouais, donc t'es arrivé comme ça. Et c'est pas, enfin, faire du booking, c'est pas trop compliqué. Si, surtout maintenant et surtout, ben, juste après Covid, en fait, il y a eu enfin, j'imagine que c'est ici aussi, un embouteillage de fou, en fait. Donc oui. Quoi qu'on propose, les gens disaient ouais, c'est bien, mais pas maintenant parce qu'on a des concerts qui ont été postposés, mais on doit les mettre maintenant. Et donc, en fait, c'est très, très, très démoralisant. Et c'est parce qu'eux ont vraiment toujours été aussi un soutien et qu'on travaille vraiment en équipe, bah, en famille, comme tu disais tantôt, que ça fonctionne. Et parce que bah, je grandis aussi avec eux, puisque bah, je ne connaissais rien, finalement. Quand je dis que j'ai vu de la lumière et que je suis entrée, c'est vraiment ça. C'était pas mon délire à la base, c'est pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Désolé les gars. Non, ça va. Maintenant c'est foutu. Je suis chez le psy en fait. Et donc voilà, mais donc oui, c'est compliqué, mais c'est gay. Il y a du challenge et voilà, on rencontre des chouettes personnes, des moins chouettes aussi, hein, faut pas se mentir. Voilà, on va pas se mentir, il y a des sales cons. Alors écoute, sache une chose, c'est que ici, dans la radio, là, à mon émission, je peux dire sales cons. On peut se permettre tout ce qu'on veut. Tu vois, moi, si j'ai envie de dire que les fachos, c'est des enculés, je peux le dire. Super. Tu vois, donc je viens de le dire. Mais... c'est ça. Donc voilà, non, après, pour rester quand même dans la norme, tu vois, ne pas critiquer notre cher et tendre président de la France. Alors, je sais même plus son nom en plus. Enfin bref. Moi non plus, mais... je sais pas, c'est pas Philippe De Villiers? Non, c'est non. Pétain non, c'est un petit, hein, non Charles. C'est pas... il est pas petit. Je sais pas, j'en sais rien. En plus, je m'en bats les couilles. Hein, c'est un petit fou. Voilà, plus grand schtroumpf. Ben là, on peut se permettre, hein, vu que vous venez du Royaume de Belgique, donc oui, voilà, on peut se permettre. Ah ouais, c'est vrai, nous, on peut tout dire, en fait. C'est vrai. Ouais, let's go. Ouais, ouais, et puis, oui, donc je me mets un petit peu à ta place, parce que c'est vrai ce que tu dis, puisque nous, on a vécu ça, donc les retours de concerts, où on faisait quelquefois jusqu'à 3 concerts sur la soirée, parce que c'était les potes qui jouaient, et puis on disait, ben ouais, on y sera, tu joues à quelle heure? Ah ben, je joue à 20h. Et toi, tu joues à quelle heure? Ben, 21h. Ah, ok. Bon, ok, d'accord. Bon, alors nous, on va faire la première partie à 20h chez toi. Après, on ira faire 21h et on finira la soirée de l'autre côté, quoi. Parce que ça a été insupportable. Et ça l'est encore. Oui, c'est encore difficile. Ouais. Ça l'est encore. Là, tu vois, ce soir, il y a Depeche Mode, je crois, ici au stade de Lille. En même temps, t'as Élise qui joue ici à Roubaix. Donc, c'est un groupe que j'ai reçu aussi qui est super bien. Ouais. Et donc voilà, tu vois, il y a des trucs comme ça et c'est après, il n'y a pas que ici dans la métropole. Ouais. C'est que derrière aussi, t'as la Belgique, t'as l'Allemagne, tout le monde arrive en même temps et tu fais, ouais, tu sais pas où donner de la tête en ah réalité. Ouais. Et comme les gens, ils veulent se produire. Enfin, bah, c'est normal. C'est tout à fait logique. Hein, ouais, voilà. Ouais. Mais tu sais, quelquefois, les groupes qui font partie du même, pas du même label, mais qui ont les mêmes styles. Je crois qu'ils à s'écouter entre eux et puis de dire écoute, moi je joue le samedi, je joue pas le samedi, ou essaye de jouer le dimanche, ou essaye de jouer le vendredi soir. Et je viens de faire un peu d'orgal, hein, c'était pas prévu, mais comme je me suis pété le bras, hein, donc les fans savent bien, je me suis pété le bras, c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne sait pas faire de la. C'est du pipeau, les gars, c'est du pipeau. Ouais, mais. Ça va très bien, c'est du pipeau, les gars. Non, ça va mieux, hein. Quand on dit qu'on a eu toutes les galères, on les a vraiment. Je viens de faire un peu d'orgal, et c'est vrai que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, parce que. Aller ici, chaque fois qu'on programmait une soirée, j'avais des gens qui me contactaient une date à tel endroit, la même date que toi, donc les gens vont se diviser en deux. Mais en fait, il y a tellement de trucs que c'est compliqué. C'est vraiment pas évident à mettre en place. Maintenant, c'est vrai que l'idée d'avoir justement, puisqu'on parle de musique underground, est clairement. Hein, je retape parce que ça fait toujours rire Charline. Hein, le milieu underground, mais il est bien là, il est bien vivant. Voilà. Et c'est vrai que ce milieu-là pourrait se coordonner et avoir une réelle puissance, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. On pourrait même réussir à créer ça, mais c'est clair qu'il faut qu'il y ait. Pour avoir cette puissance-là, il faut qu'il y ait une organisation, une envie d'échange entre chaque groupe et une envie chacun de se valoriser plus. C'est pas toujours évident à mettre en place. Ou alors maintenant, si tu te retrouves quelquefois avec des concerts où t'as trois groupes, mais trois groupes qui sont déjà bien connus. J'ai eu l'occasion d'aller faire un concert avec Cellophane et Le Banane à 9h, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. C'est deux groupes qui sont comme ça, quoi, des gros trucs. Ouais, voilà. Bon, c'est bien pour nous en tant que spectateur. En tant que spectateur, fais... ouais. Oh putain, je fais les... ouais, je fais un méga groupe là. Je fais deux méga groupes en même temps. Là, je... le dernier concert que je suis allé faire, c'était Ginger avec Hypnose, voilà, Hypnose. Ouais. Donc c'est aussi deux grosses pointures, une pointure de France et une pointure de l'Ukraine, mais c'est deux grosses pointures. Donc ouais. Donc c'est bien. Donc il y a quelquefois des choses qui peuvent s'accorder comme ça et c'est ça peut être sympa. C'est sûr. Nous, on est beaucoup là, on regarde un peu pour des échanges avec des groupes en Flandre, des groupes. Voilà. Qui venaient jouer à Lille, bordel. Ben, on va venir jouer à Lille. Invite-nous. Bon. Ben, invite-nous. On vient. Non, mais on va essayer de venir en France, c'est clair. Parce qu'on sait qu'on a des gens qui aiment ici et on a envie de donner cette énergie-là. En plus, profitez-en. J'ai encore une grande maison. Je peux même vous héberger si vous voulez. Ah ouais, mais ah, ça, bah, c'est parfait. Bah, on vient. Ouais, reste. Ouais. Et t'as des ch'tis à la maison? Oh ouais, mais ça, il y aura toujours ce qu'il faut. C'est... J'imagine. On va passer en deuxième titre de ce nouvel album. Qu'est-ce que j'ai prévu? Là, tu réfléchis, tu dis, c'est lequel? Eh ben, Arthur. Excellent choix. Ouais. Mais mon Dieu, mais eh bien, je suis... juste pour la petite anecdote avant, c'est Arthur sur le tout début, l'intro. En fait, c'est un montage sonore que j'ai fait à la maison. C'est parce qu'on bidouille un petit peu nous-mêmes, un petit peu. Oui. On tape notre bille en émaux. On s'amuse beaucoup et puis on fait des choses qu'on n'avait jamais pas forcément fait avant. Mm-hmm. Et puis le montage son ici au départ, c'est moi qui l'ai fait. Et Take Me Out, c'est Rafa qui l'a fait. Ça donne bien aussi mon passant. Take Me Out, c'est autre chose. On va pas en parler maintenant, mais voilà, c'est un chouette morceau. Et si vous avez vu le film Le Joker. Oui. Oui. Ah bah voilà. On est là-dedans. Hein. Arthur, on est là-dedans et on pourra raconter des anecdotes par rapport à ça. J'ai pas kiffé le film. T'as pas kiffé le film? Non, c'est pas grave. C'est parce que c'est pas le film spécialement le jeu d'acteur ou le scénario. Non, mais c'est en fait c'est le personnage extraordinaire. Il est super bien joué dans le film. Oui, mais j'ai trouvé que et puis c'est un putain d'acteur aussi. J'ai trouvé que l'intrigue. Ah bon, oui, non, enfin voilà. C'est pas un Marvel, hein. C'est pas un... On est bien plus haut que ça. On est dans quelque chose de. C'est un drame psychologique. C'est un drame psychologique. Ouais. Mais c'est la place un peu des personnes de la folie dans le monde aussi. Oui, donc ça parle de ça. Oui, ok. Ouais. Voilà. Peut-être qu'on va être repéré par Marvel, qui sait. Et bien, je vais te dire, je ne sais pas si ça aurait marché. Ça n'aurait peut-être pas marché, évidemment. Hein, il faut être réaliste, mais le rêve aurait été d'être sur la BO du film du 2, quoi. du 2, évidemment. Wow, mais évidemment, avec le Covid, bon, voilà. Oui, voilà. Puis après, t'inquiète, je vais essayer d'appeler quand même Stanley. On ne sait jamais. Essaye. Tu lui claques la bise pour nous. Écoute, je connais un petit groupe sympa, ce serait sympa que tu les fasses tourner un petit peu, quoi. Bah, ouais, voilà. Donne mes coordonnées cool. Directement, hein. Je te fais pas chier. Charline, voilà. on te donnera le mail, tout, le téléphone et tout. Allez, on s'écoute Arthur et puis on se retrouve après ou pas, parce qu'on va peut-être passer un titre directement derrière. Allez, si on passait un autre titre de l'album, on va passer un titre un peu plus court. Notification. Ouais, excellent. Donc on passe le cri du cœur de Rafa. Ah, ouais. Arthur et Notification du nouvel album de Astrasonic et on se retrouve après. Ça marche. We'll be right back.

Eh ben voilà. Encore un titre de ce, ça y est, de cet album Society. Ouais. Vous voulez parler de Notification? Ouais, j'y sais. Notification. Pour moi. Allez. Allez, d'accord. non, ça va. Je vais quand même dire un petit truc parce que mon épouse écoute l'émission en direct. Eh ben, on lui fait des bisous. Mais moi aussi. Ah, voilà. Bah ouais. Et, moi aussi, et en fait, mais pour Arthur, en fait, on a fait une chorale. Donc, il y a une chorale qui est allée en studio. D'accord. D'une douzaine de personnes, dont mon épouse, d'ailleurs, une de mes belles-sœurs, une sœur de mon épouse et un de ses frères. Ils sont six enfants, donc ça fait beaucoup. Et donc, il y avait des amis. Voilà, on a pas pu inviter tout le monde. Je sais qu'il y a certains fans qui sont un peu frustrés de ne pas avoir pu participer à la chorale, mais c'est vrai qu'on a réfléchi pour avoir un nombre d'hommes et de femmes égal, et on a pris évidemment des gens qui avaient la voix, qui pouvaient se prêter à faire ça. Donc dans un premier temps, Arthur, c'est clair qu'on était parti sur une idée de, ouais, tu sais, on peut faire ça maintenant, hein, les chorales, tu peux faire ça avec des VST, des programmes informatiques, on fait ce qu'on veut, voilà, bien sûr. Alors ça donne quelque chose qui peut être bien, mais on voulait quelque chose de réel. Et pour la petite histoire, on a voulu faire la chorale nous-mêmes. Oui, mais ça a été assez désastreux, donc on a abandonné l'idée assez vite. Faire un petit remake de Bohemian Rhapsody des Queen, c'est ça? On est parti dans un délire. Ça, on a enregistré un truc, il était 1h30 du matin en studio. On était au bout de nos vies, c'était juste pas possible. Mais ça nous a fait beaucoup rire. On a adoré, quoi. Mais donc, du coup, on s'est dit, une chorale sera mieux, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans cet album. C'est que en fait il y a plein d'anecdotes comme ça. C'est clair que l'idée nous est venue. On était là au ton chez Gus en train de faire nos compos, en train de créer des trucs et tout. Et l'idée nous est venue à 1h30 du matin. Évidemment, on avait bu un verre, on était un peu bon, voilà. Et on s'est dit, ouais, faut mettre une chorale. Donc on s'est lancé sur le truc. Mais on l'a fait quand même, alors évidemment ça ressemblait pas à grand chose, mais après du coup l'idée elle est restée, et voilà. On s'est dit que l'idée de la chorale était une bonne idée. Et c'était une bonne idée. C'était la seule bonne idée de la soirée. Ouais. C'est sympa. Mais ça s'entend peut-être pas directement, parce qu'elle est peut-être pas poussée assez à fond, mais c'est clair qu'il y a des voix, enfin il y a une chorale de 16 personnes sur Arthur, et sur quel titre encore ? Save Me. Et sur Save Me, hein. Ouais. Okay. Donc au concert, quand vous faites des concerts, vous faites venir les 16 personnes. Mais par contre, pas à chaque fois, pas trop de pression. Allez, on peut dévoiler un petit truc pour la release. Donc on vient avoir une chorale. On espère en tout cas pour le live de la release. Alors la release, donc pour les fans qui sont en train de nous écouter, là peut-être sur la France, qui serait prêt à bouger, à venir nous voir. Donc ce sera le 12 octobre, c'est ça, hein? À Mons. Je regarde Charline parce que c'est notre gestionnaire. Donc ce sera normalement le 12 octobre à Mons. À la Belle du Bois. La salle de la RTBF. Et là, effectivement, on va essayer de mettre les petits plats dans les grands. On va essayer de donner un spectacle qui vaut cet album. Bien sûr. Et qui le dépasse. Ok. Voilà. Ouais. Mais c'est bien d'innovation, ça va changer un peu aussi. Bien sûr. Voilà, par rapport à d'autres groupes. Non, mais c'est bien. Et alors, moi, pour répondre, j'ai trop hâte de vous voir ici, hein, sans déconner. Voilà quoi. Ben, on vient avec plaisir. Après, vous avez fait quand même le voyage pour venir jusque dans les studios. Je pense qu'à un certain moment, il va peut-être falloir que je fasse le voyage aussi pour venir vous voir. Voilà. Dans votre province. J'osais pas le dire, moi. Tu seras le bienvenu et tu auras une place pour loger à la maison. Ils ont des grandes maisons. On te logera. Ouais, vous me foutez dans le studio à côté des enceintes, moi ça me va très bien. Alors, pour Notification, il n'y a pas grand chose à dire. En fait, c'est un morceau qui parle un peu de l'addiction aux écrans et du fait d'être. Ça sonne directement, on va voir. Et au départ, ce morceau a été écrit pour. Je me base toujours sur des... Bon, l'idée des morceaux est toujours, sont toujours écrits sans, avec une volonté de ne pas porter de jugement, oui, donc oui, de ne pas critiquer, oui, les, mais juste de voir les choses, de prendre un recul par rapport à ça. Et voilà, après, celui qui écoute le morceau, qui a envie d'aller plus loin, de découvrir le texte, de voir ce qu'il y a derrière, l'idée, c'est qu'il se fasse sa propre idée ou qu'il ait sa propre opinion. Donc, dans les morceaux, je ne donne pas forcément ma propre opinion, parce que c'est pas, je trouve, c'est pas le but. Non. Après, chacun est libre. C'est de un penser, choix, bien sûr. C'est un choix. Il a envie de penser, voilà. C'est tout. Bien sûr. Mais et donc, ouais. c'est parti de ça. Les textes partent de situations que je vis de près ou de loin, ou des situations de. Non, bon, on a évoqué Save Me. Bah, ça parle des migrants, donc c'est des sociétés, des thèmes de société, pardon, actuels. D'où d'ailleurs le titre de l'album, qui est Society. C'est juste des sujets de société actuels qui nous posent. Qui me pose et qui nous pose des questions. Donc voilà, une notification, c'est parti d'une personne que je connais qui est vraiment addict aux écrans. Dès que ça sonne, c'est impossible de ne pas aller voir. Je ne parle pas de Charline en ce moment parce que. Je me sens dégoûté. Mais heureusement, il n'y a pas de caméra. Elle bosse dans la com, donc oui, elle peut aller dispenser de. C'est son outil de travail. Hein, non, mais enfin, c'est quand même elle joue à Candy Crush, quoi, sans déconner. Voilà. Et donc voilà, mais c'est des choses. Allez, quand on voit la sortie des écoles, quand je vois les jeunes qui sont nés sur leur téléphone, qui traversent la route, j'ai l'impression de voir une horde de zombies qui traversent parce que ils voient pas ce qu'il y a autour. Et encore, quoi. Même maintenant, tu vois qu'ils ont le comment dire. Ils ont le téléphone, ils l'ont même plus sur l'oreille, ils l'ont comme ça. Oui. Et oui, ils l'ont sûr. En face d'eux. Et puis ils parlent tout haut. Et puis t'entends leur conversation. Moi, c'est ça qui me saoule, c'est que leur conversation en réalité. J'en ai rien à foutre de savoir s'ils vont acheter pain ce soir et puis qu'ils vont manger des œufs. Je m'en fous, quoi, je veux dire. Bah oui. Mais à un certain moment, quand tu es dans les transports en commun, par chez nous, mais c'est ça, quoi. Mm-hmm. Ils sont tous là, ils sont tous en train de parler avec leur portable, mais où t'entends tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Mais elle est où ta vie privée Enfin, je sais oui, pas. Et moi, au-delà de ça, je trouve que vraiment la question qui m'interpelle quand même par rapport à ça, c'est de se dire que bah voilà, on est en discussion comme là maintenant, le téléphone sonne, bah on regarde, on arrête la discussion, on perd le contact avec les gens avec lesquels on est. Et c'est ça. Pour une sonnerie d'un téléphone. Tu le vois dans les restos, hein, quelquefois les gens qui sont face à face et qui sont tous les deux sur leur portable. Il n'y a rien de plus déprimant que de voir un couple au resto où tous les deux sont sur leur téléphone. Je trouve ça d'une tristesse. On baisse ce soir ? Ben non, écoute, pas tout de suite. Là pour l'instant, je vais prendre un café. Ok, toi tu prends quoi ? Ben, je moi, fais d'abord je ma story cognac, sur Instagram. Attends, je prends une photo de mon plat, je vais l'envoyer, c'est ça. Et voilà, c'est vrai, elle est réussie. Non, elle est ratée, mais attends, je vais recommencer. En fait, c'est une vie artificielle. Hein. Complètement. Complètement. Et c'est clair que l'album Society, c'est un peu ça. C'est, on a vécu. Je pense que le Covid a peut-être perturbé certaines personnes, ou en tout cas a fait prendre conscience à certaines personnes de comment fonctionnait le monde. Mmh. Et je trouve que l'album ici, Society, avec les textes que JC a écrit, avec tout ce qu'on a ressorti, on inscrit en fait l'album dans un temps, c'est temporel. C'est un album qui tombe tout juste bien avec ce qu'on vient de vivre en fait. Oui. Parce qu'il parle de tous les faits de société qui sont présents maintenant. Oui. Et donc je trouve ça c'est bien parce que quelque part, c'est peut-être si on réécoute notre album dans 10 ans, on se rappellera du moment. Tu vois ? Oui. Voilà. C'est un peu ça le truc. Et c'est, voilà, c'est un peu ce qui ressort de cet album, en fait. Mais dans le premier album, c'était aussi un peu déjà comme ça. C'était vraiment des phénomènes de société, etc., quand même. Hein. Ouais. Il y en avait, mais c'était peut-être moins marqué. Moins marqué, parce qu'il y avait dans le premier album, il y avait trois morceaux, Astrasonic, Regrets et Back to Earth, qui racontaient un peu l'histoire d'un gars qui part sur une planète parce qu'il veut tout plaquer, etc. Puis il a des regrets, puis finalement il rentre. Et il y avait Propaganda, qui est un petit peu quand même... Dragonflight. Ça raconte plus l'histoire d'un garçon et de son père et de la relation. Une histoire un peu plus particulière. Mais voilà, c'était moins intentionnel en tout cas. C'est peut-être arrivé, mais ici le nouvel album, c'est clairement assumé, oui. Ok. On va passer des groupes belges ouais. que vous aimez bien. Vive la Belgique. Ben oui, en fait, voilà, on a de la bonne bière en plus. Ben écoute, on essaie de les frites de Belgique. Ouais. Oui. On essaie de soutenir et en plus, ben je me dis peut-être vous les connaissez pas bien ici en France et c'est des groupes belges intéressants qui sont en train de monter pour l'instant avec lesquels on est bien sûr susceptible de faire des lives avec lesquels on va faire des lives et donc ben, tu nous as demandé de choisir toute une série de titres pour venir ici donc on a essayé de réfléchir de manière le plus utile. On s'est dit ben, pourquoi pas faire découvrir un petit peu les groupes de notre région qui sont en train de monter pour l'instant. Tout à fait. Et puis alors, je peux te dire qu'avec ce que tu m'as fait découvrir, enfin ce que vous m'avez fait découvrir, il y a des morceaux qui vont être récurrents dans les émissions. Oui. C'est l'idée. Voilà, c'est aussi faire découvrir. Je trouve que c'est vachement important. Bien sûr. Bah, nous, on aime faire ça. On va pas rester dans un carcan typiquement nordique. Enfin, nordique. Du nord, quoi, je veux dire. Ok, Leyland. Pour le premier, et puis Particules pour le deuxième. Ouais, ça roule. Ça marche. Ça vous va ? Ouais, ça va. Ben, de rien. Merci. Faudrait me mettre en contact avec ces gens-là. Ah on va faire ça. Voilà, parce que ça peut toujours être intéressant, voilà. Clairement. Après, je le dis, hein, même si vous venez pas dans... Ok. Voilà. Allez, les deux titres, et on se retrouve tout de suite après, ça c'est le choix des AstraZeneca ce soir. Vous êtes sur le 89.7 FM, dans l'émission Eclipse. Et on est encore là pour un bout de temps parce que il y a déjà quelle heure on ne sait pas. 21h30. Je fais horloge parlante, mes horaires. Ah ouais. C'est mon deuxième boulot en fait, je fais horloge parlante. D'accord. Donc il est 21h30. Okay. Ouais. Ouais, mais t'as dit qu'on avait pas d'heure. Hein. T'avais pas dit que tu parlais pas toi. Ah oui. Désolée, j'ai vu un micro, ça y est, je suis beaucoup trop à l'aise, je suis dans mon salon moi, c'est bon. Je vais te raconter ma vie, tu vas rien comprendre. Bah, si je te raconte la mienne, tu vas rien comprendre non plus. Allez, on est là jusque minuit. Alors crois-moi que elle est longue et elle est pas finie encore. Hein, donc ça va être un peu la merde, je te le dis. Allez, c'est parti, on se retrouve après les deux titres si vous le voulez bien. Ouais. Thank you. Bon, eh ben, j'espère que vous avez bien aimé. Moi, perso, je kiffe ça à fond, mais franchement. Mais nous aussi. C'est vraiment très très bien. Quoi. C'est vraiment très très bien. C'est pour ça qu'on t'a conseillé aussi. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à venir taper ici les concerts dans le Nord, parce que il y a de quoi faire quand même, sans déconner. Il y a entre autres une salle où, qui est vraiment qui est extraordinaire, sans être extraordinaire. Mais ça va leur faire plaisir. C'est une paye que les boissons. Ah ouais. Ah, trop bien. Et ils font venir une multitude de groupes. Donc il y a eu M qui est venu aussi. Ah ouais. Il y a eu des grosses pointures qui sont venues là. Et donc c'est génial parce que c'est ouvert à tout le monde. Ça peut contenir, je crois que ça doit contenir 1500 ou allez, ouais, 1500 ouais, personnes. Un gros bazar. Et donc en réalité, quand tu vas au concert, donc tu payes pas l'entrée, mais bon, tu payes des boissons. Après, les boissons, c'est pas pour rien, mais ça te permet de découvrir des groupes que t'as pas l'habitude de voir. Et ils font des soirées quelquefois un peu découvertes comme ça, et je trouve ça vraiment sympa d'avoir d'avoir ça. C'est comment cette salle? Je ne sais plus. Merci pour l'info. Je vous enverrai un backup. En réalité, tu vois, à chaque fois, ce nom de salle, je l'oublie complètement. C'est un truc qui est ouf. Je ne sais plus. Ouais, j'y suis pas allé à 180 ou 250 balles la place. C'est pas pour moi. C'est trop cher. Donc ça aussi, ça fait partie des groupes avec lesquels vous allez certainement jouer prochainement. Quoi, Dépêche Mode? Non, ouais. Ils seront en première partie de vous, c'est ça? Ah bah, s'ils veulent bien. Je sais pas. On verra. Charlie? Oui, on va essayer. Moi, on peut tout tenter, moi, j'ai même pas peur. Non, mais bon, voilà. Mais c'est drôle que les groupes de la Belgique ne viennent pas forcément. Mais on n'est pas très loin. Ben c'est clair. Maintenant, je pense que c'est un manque peut-être de connaissance des salles, des orgas, etc. Mais il y a moyen d'ouvrir facilement. Hein. Oui. Il y a qu'à nous à le faire. Hein. Et même faire des échanges. Hein. S'il y a des groupes là du Nord qui nous écoutent et qui sont un peu dans notre vibes. Nous, des échanges, on est preneurs. Hein. Bien sûr. Voilà, on organise une date par chez nous et on vient jouer chez vous, quoi. Bah oui. En fait, on est assez ouvert à ce genre de trucs. Mm-hmm. D'ailleurs, dans les groupes que je t'ai proposés, là, on passera peut-être plus tard, il y a un groupe flamand là, qui est intéressé pour faire des échanges avec nous. Et mm-hmm. Voilà, c'est nickel, quoi. Au-delà de ça, il y a aussi une timidité typiquement wallonne. Oui. Les gens n'ont pas confiance, mais que ce soit dans la musique ou même dans les entreprises classiques, on sait ce qu'on fait, on le fait bien, mais on ne va pas trop le dire en fait, et on va rester dans notre zone de confort. Et donc aller en France, c'est grand la France par rapport à notre petite Wallonie. Et donc voilà, je pense qu'il y a aussi et puis enfin voilà, c'est comme le reste, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a déjà beaucoup de monde en France qui font de la musique, donc. Voilà, je pense qu'il y a c'est des deux côtés où ça coinçote, et puis il y a eux qui viennent en France, même pas peur. On revient d'ailleurs. Mais après, je pense aussi, si tu veux, que maintenant aussi dans les salles de concert, hein, je parle ici dans la métropole lilloise, je parle pas des... Enfin, quand je dis métropole lilloise, c'est vraiment Lille proprement dit, il faut qu'il y ait une tête d'affiche. S'il n'y a pas de tête d'affiche... C'est ça. Ouais, c'est ça. Les gens se déplacent plus comme avant, tu vois. Ouais. Moi, je suis allé faire des concerts avec des gens que j'ai reçus ici, hein, aussi bien Elise que Magnetic Crust ou des choses comme ça. Ils se produisent dans des petits bars, mais on est quoi? On est 20-30, et dans les 20-30, il y en a 15 qui font partie de la famille et d'un team. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est un peu bizarroïde. C'est un peu bizarroïde parce que... Parce que si t'as pas une tête d'affiche, voilà quoi, c'est très bobo, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est très très bobo. Ça fait bien de dire je suis allé voir un concert, tu te rends compte, c'était le concert de machin, voilà. En première partie, il y avait un truc qu'on connaissait pas trop, mais bon, après c'était quand même. Mais c'est ça, si ce soir Dépêche Mode avait une première partie. je serais curieuse d'aller à la sortie du concert et de demander qui était la première partie et ce que ça racontait. Ben, écoute, la plupart des concerts maintenant que je fais par ici, nous, si le concert, s'il y a l'ouverture des portes à 19h, nous on est là à 19h. Boum, on arrive là-bas à 19h. Parce que le bar ouvre en même temps. Le bar ouvre en même temps. Mais on n'y va pas que pour le bar. Parce que les premières parties, moi j'ai vécu ça dans des festoches où tu avais des premières parties qui étaient même 100 fois mieux que l'artiste. J'ai encore eu la blague il n'y a pas longtemps. J'étais voir un groupe et la première partie était waouh. Ouais, et après ouais. Tu bah, là le dernier festoche, enfin c'est le seul festoche que j'ai fait parce que je déteste faire les festoches, c'est l'Hyperfest, ouais. Donc à Ypres, et le dernier groupe qui passait c'était Madball. Donc Madball c'est du punk hardcore américain, mais c'est big, tu vois, c'est très grosse pointure. Et juste avant, il y avait un groupe qui s'appelait Turnstile, qu'on connaissait pas plus que ça, quoi. Enfin voilà, on avait entendu un titre machin. Mais sur scène, ça a donné le feu de ouf. Ouais. Le souci, c'est qu'ils ont fait un set de 35 minutes et se sont arrêtés. Ouais. Parce que voilà, c'était leur temps. Et après, on a eu Madball. Mais Madball, on était déçus. Tu vois, on était déçus. Puis on s'est dit, ouais, bon, ça va, on les a vus, quoi. Mais on aurait bien voulu que Turnstile revienne derrière. Allez, vas-y, on va remettre une dose. Quoi. Attention que c'est efficace. Hein. Des sets courts, c'est efficace aussi. Ouais, ça peut mettre une claque aussi parce que t'as 30-35 minutes, mais ils mettent le meilleur, mais évidemment. C'est trop court. Là-dedans, c'est condensé. Ah ben oui, ça te donne un goût de trop court, mais c'est ça qui fonctionne. Ouais, qu'après, tu dis, ah oh, punaise, quand même, c'était vraiment bon. Ouais. J'ai envie de voir la suite, quoi. Bah ouais, la suite, non, mais ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, voilà. Donc, voili, voilou. Soror. Ça vous dit? Bah oui, en fait, c'est un groupe que j'ai découvert assez tard, en fait, un groupe belge avec, c'est deux gars et deux femmes, c'est vraiment très très bien, ça fait penser un peu à l'univers de Warpaint, comme ça. C'est c'est hyper prenant sur scène. Je trouve qu'ils arrivent à dégager un truc sur scène qui est hyper prenant. Il y a vraiment une dimension artistique que j'aime bien. Clairement, j'ai flashé sur ce groupe et donc voilà, je me dis autant le mettre en avant. Et pas confondre avec Soror Dolorosa qui n'a strictement rien à voir. Donc ça c'est un groupe je pense de Bruxelles aussi, Soror. Je ne dis pas de bêtises, c'est de Bruxelles. Ouais. Ouais. Vive la Belgique. Vive la Belgique. Merci. Et puis derrière, Subatomic Strangers. Ouais. Excellent. Ça, on en reparlera après. Ouais. C'est de nouveaux amis, un nouveau groupe flamand avec lequel on va certainement collaborer. Ouais. Allez, et puis on se retrouve juste après pour reparler encore de cet album qui s'appelle Society. Non, avant on va parler aussi des petits amis que vous connaissez bien et qui sont déjà passés aussi dans les studios et voilà. Mais voilà. Ouais. Tranquille. Tranquille. Tranquille. Tranquille. Tranquille. Allez, c'est parti pour les deux titres. Is On air. On air. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire à Charlie. T'as vu quand la petite lumière rouge est allumée là-bas? C'est on air. C'est qu'on ne peut plus c'est dire pas, n'importe c'est quoi. C'est pas parce que t'es dans le quartier rouge d'Amsterdam, hein, mais. Ah merde, je t'ai fait d'un film, moi. J'étais parti, ça y est, c'est bon. Je te raconterai un truc hors antenne qui m'est arrivé à Amsterdam. C'est, enfin, voilà. Envoie le titre. On se réimagine. Passe vite un morceau. Oui. Envoie vite un titre, j'ai non, je crois pas que. Je crois pas que vous devez être. Oui, donc j'avais parlé parce que vous aviez aussi choisi et puis vous aviez demandé aussi qu'on en parle un peu des groupes qui sont aussi qui font partie de vos amis musicaux. Oui. On va dire. Ouais. On en a pas mal et je trouve que c'est important. C'est très important et je pense que aussi ça. Allez, aussi le Covid, ça. Enfin, moi, ça m'a ouvert à ça. C'est il faut qu'on soit tous ensemble. Quoi, absolument. Il faut qu'on soit tous ensemble. Et les vagues, ça vient de là. Hein. La vague de Seattle, à mon avis, elle s'est pas faite parce que les mecs étaient chacun dans leur coin. Tu vois, les vagues, ça démarre de là. Et je fais toujours rire Charline quand je parle de l'underground, mais les vagues, ça vient de là aussi. C'est à un moment, t'as un truc tellement puissant qui vient d'en dessous que les radios, ils sont obligés de suivre et que tout le monde est obligé de suivre parce que t'as l'énergie qui est là en dessous qui pousse. Absolument. Et la culture, c'est ça. La culture, c'est ça, c'est pas autre chose. On n'est pas des produits, on est des créateurs. Et à un moment, il y a des choses qui se passent. Et il faut être ensemble parce que c'est comme ça qu'on est percutant. Quoi. Absolument. L'idée que je me fais de la musique, c'est qu'en fait, il y a pas de, y a, l'idée d'une concurrence est ridicule, à mon sens, parce que elle existe, malheureusement, mais c'est regrettable parce que finalement. Il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr, on n'aime pas tout et pas tous les styles, ça c'est évident. Mais on parlait du rap hors antenne, c'est vrai que moi je suis pas très branché rap. Moi non plus. Mon fils en écoute. Mais il y a du. Mais il y a des bons trucs. Alors je sais reconnaître qu'il y a des trucs qui sont valables. Après c'est pas forcément mon truc, mais il y a des trucs valables partout. Et l'idée c'est qu'on n'est pas obligé de se tirer dans les pattes pour que ça fonctionne. On va pas plus loin parce qu'on a descendu un autre groupe. Ah, et donc non, nous non, l'idée non, c'est non, c'est vraiment ici on a envie de partager des groupes. On espère jouer avec eux, OK Lions, Aurore, O et les autres, mais si ça se fait pas, ça se fait pas, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas concurrent, on a juste envie de partager un même plaisir, une même passion. Absolument. Sur scène et de partager un truc. C'est ça. Absolument. Moi, c'est pour ça que je fais de la musique. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que vous êtes ici. On a déjà le boulot pour se faire chier, ouais, si on a envie. C'est pour ça que vous êtes ici ce soir. Parce non, que comme je j'aime disais, bien mon job, comme je vous disais en antenne, et puis je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, je reçois des demandes ici de groupes qui veulent quelquefois venir dans l'émission et que je refuse parce que c'est des bouffeurs. Enfin, c'est pour moi, c'est des gens qui viendront pour critiquer d'autres groupes, qui viendront pour se mettre en avant. Ok, moi j'adore. Enfin voilà, j'ai un groupe qui vient dans l'émission, c'est pour le mettre en avant. Bah, c'est forcément. C'est pour aussi qu'ils mettent sa musique en avant, etc. Moi, les gens qui se prennent trop le chou et qui pensent que la cuisse de Jupiter, eh ben, ils en descendent, non, moi j'ai pas envie. Donc voilà, quand je reçois des groupes dans l'émission, c'est des groupes que j'aime bien, c'est des groupes qui sont tout simples, qui ont aucune prétention, même s'ils sont connus quelquefois dans le monde entier, puisque j'en ai quand même eu qui étaient connus dans le monde entier, mais qui se prennent pas le chou quand ils viennent ici, quoi, voilà. Moi, s'il y en a un qui commence à dire oui, mais moi je, ben oui, ben moi je, prends la porte et tu te casses. Gaffe aux escaliers. Voilà. Son rêve. Non, mais voilà. Mais voilà, à un certain moment, quand tu dis oui, c'est vrai, la concurrence, mais la concurrence existe malheureusement, et je ne sais pas comment ça se passe par chez vous, mais ici, elle est présente, et elle est même quelquefois bien présente. Bien sûr qu'elle est présente chez nous aussi. On n'est pas loin. Je trouve ça tellement débile, mais franchement... Bah, quoi. Ça peut parfois créer un petit challenge et donner une énergie, mais je pense qu'il faut avoir un bon fond et il faut permettre à chaque artiste de pouvoir s'exprimer, tout simplement, au mieux de ce qu'il peut faire en fonction de ses compétences et en fonction de son style. Et voilà, moi j'ai dans le temps, j'ai toujours fait de la compo, mais dans le temps j'ai collaboré avec un pote Manu qui faisait du rap, on a fait un morceau à deux. Enfin, j'ai toujours ouvert la porte en fait à plein de choses parce que je trouve ça hyper important et en fait c'est enrichissant. Hein. Je suis allé il y a pas longtemps à une soirée justement de rap parce que c'était mon meilleur pote qui était au platine, qui mixait, et c'était un open mic. Ouais. Donc il y avait 50, alors je dis pas de conneries, il y avait 52 rappeurs sur la soirée. Non, punaise, et chacun prenait le micro, donc ça durait soit 4 ans, soit 8 ans, soit 16 ans grand maximum. Ouais. Et à chaque fois ils prenaient le micro et à chaque fois ils balançaient leur texte. Mais comment c'était une soirée hyper intéressante. Bien sûr. Parce que là on voyait tous les rappeurs et puis bon, en plus d'une simplicité, très respectueux les uns envers les autres parce qu'il y en a pas un qui voulait dire bah moi je passe avant toi ou voilà ça. C'était super enrichissant quoi. Ouais. Même encore si j'aime pas plus que ça le rap, mais bon, donc voilà, un petit groupe du coin, hein, ouais, on les aime bien en plus. Groupe du coin. C'est... Mais ils sont pas dans le coin pour l'instant. Ils sont loin pour l'instant. Mais on les adore. On les embrasse. Ils le savent bien. On leur fait des gros bisous. Actuellement, ils devaient être peut-être sur scène. Peut-être sur scène. Au Foufoune électrique. Au Foufoune électrique à Montréal. Peut-être. Rue Sainte-Catherine. Voilà. C'est plus le numéro, par contre. Donc voilà. Donc des guests que j'avais reçus ici aussi à leur début avec le premier album. Et le chemin qu'ils ont fait, c'est aussi c'est énorme, un peu fou, quoi. Ouais. Voilà, leur rêve, c'était de jouer un jour avec Philippe Lompré de Trisomie 21, parce qu'ils sont tous les deux des grands fans de Trisomie 21. Mais ils ont réalisé leur rêve. Et ils ont réalisé leur rêve. Ouais, et le dernier rêve réalisé, ben, c'est ce morceau qu'on va passer maintenant, The Abyss of Ears, que j'ai aussi présenté ici. Donc c'est des guests avec un featuring avec... la voix de Trisomie 21, Philippe Lompré. Oui. Donc voilà, on va s'écouter ce titre-là. Et puis derrière aussi, bah, les autres, la Belgique profonde. Elle n'est pas si profonde que ça. Ah, c'est pas ce que me dit Olivier. Ah, bah écoute. Ouais, bon. Donc voilà, The Mars Model. Ben, comme, The Mars Model, ouais. Pareil, j'ai eu aussi l'occasion de les recevoir à la sortie du premier album, j'ai eu l'occasion de les recevoir à la sortie du deuxième album. Ils sont charmants, franchement, il faut aller les voir. Ouais. Pour ça. Et puis, ils vont. Avec eux, on va super bien coller. C'est d'enfer, franchement. Ça va rouler tout seul. Ouais. Ils sont exceptionnels, franchement, d'une gentillesse en plus. Ouais. Puis bon, moi, je fais aussi des gros bisous à Sandrine, la compagne d'Olivier, que j'adore vraiment. Je l'adore vraiment, cette fille, je l'adore vraiment. Vas-y, c'est allé dire quelque non, chose. Non, rien. Non, rien. Ouais, mais. Enchaînons. Ça reste. Oli, si t'écoutes, bisous. Hein. Ouais. Et on ne sait jamais, Fred et Davidé, si vous écoutez. Enfin, je pense pas que vous êtes occupé à ça. Vous êtes à Montréal, à mon avis, en train de. Et JL, qui est avec eux. Donc, ouais, JL. Ouais. Si jamais vous écoutez, gros bisous. Hein. Voilà. Mais je leur enverrai le podcast, hein, t'embête pas. Hein. Ah ouais. Ah bah ouais, mais comme ça, ils l'entendront dedans. Comme ça, ils l'entendent. C'est le principe. C'est le principe. Ils savent qu'on l'a dit. Ils savent qu'on voilà, l'a dit. Et puis JL aussi, voilà, extraordinaire, oui, merveilleux, quoi. Enfin, voilà. Toute la Deg Esteem là, que j'ai rencontrée ici lors du dernier concert que j'ai fait, avec aussi bien que ce soit Dory, avec Licorne, enfin, avec toutes ces personnes qui sont autour d'eux, qui donnent aussi de leur temps. Comme ça, juste par plaisir. Mais vraiment, c'est vraiment de belles personnes et je suis vraiment content d'être ami avec eux. Et puis d'avoir eu Fred et Davidé qui sont venus l'année dernière pour mon anniversaire chez moi. Voilà, ouais. Non, franchement, c'est des gens qui sont vraiment sans prétention. Ouais, ils sont adorables. Vraiment. Mais j'aurais une question à te poser quand même, Charline, parce qu'il y a quelque chose qui me turlupine là depuis tout à l'heure. Oula. Oui, parce qu'on parle de. Quand on parle de underground, tu souris. Je voudrais savoir pourquoi tu souris sur l'underground. Parce que c'est à cause de moi. C'est à cause longue de histoire, longue histoire. C'est juste parce que je pense que chaque soirée que je passe avec lui ou avec eux, s'il ne le dit pas 10 fois, il ne le dit pas une fois. D'accord. Et voilà, au fil du temps, c'est un gimmick. À chaque fois qu'il dit underground, je souris. Donc en fait, quand je déprime, je l'appelle, il me dit underground, boum, j'ai la banane. D'accord, C'est mon remède antidéprime, c'est mon antidépresseur perso. Mais quand même, tu sais ce que c'est que l'underground? Oui, il m'a bien expliqué, tu sais, en long, en large, en travers. Mais voilà, c'est juste quand lui le dit que ça me fait rire. Tu peux le dire 15 fois, je m'en fous, mais quand lui le dit une fois, ça me... C'est juste la base de la culture, en fait. Voilà. C'est la racine, en fait. C'est la racine. Exactement ça. Disons qu'il y a l'underground, et au-dessus, c'est la merde. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme ça qu'il l'explique. Hein. Mais c'est... Ouais, avec des entournures quand même. Hein. Disons que si tu veux, il y a Radio Boomerang et il y a Énergie. Voilà, c'est... En gros, c'est ça, quoi. Si ça fera plaisir à l'animateur d'Énergie avec qui je fais ma formation. Mais là, sur ce coup-là, je te rejoins. Non, mais allez-y, continue à taper sur Énergie, ils vont être contents. Mais je ne t'ai... Alors, attends, je vais te dire une chose. Non, on tape sur Perpétuel. On les embrasse. je ne tape sur personne. Simplement, je le vois maintenant, ne serait-ce qu'ici, on a Galaxy, qui est une radio qui est vachement connue aussi par chez nous. Et depuis qu'ils commencent à passer, parce que maintenant ils doivent passer de la pub, ils ont des trucs, ils n'ont plus ce côté underground que j'ai connu de Galaxy, où t'écoutais Galaxy. La semaine d'après, tu étais chez le disquaire, tu disais « Oh putain, j'ai entendu ça sur Galaxy, machin bidule. » J'ai plus cette impression-là, parce que maintenant, c'est entrecoupé de publicités. Alors, t'entends un super morceau, et puis acheter la nouvelle BM. Donc voilà, quoi, tu vois. Il n'y a plus ces attraits. On est encore fiers, nous, dans notre radio, et il y a d'autres radios aussi qui le font. Campus le fait, enfin voilà. Mais on a encore ce côté où on garde la musique telle qu'elle est. Et on fait, des émissions de musique. Je fais pas des émissions de pub, même si dans la radio ici on fait des émissions sur plein de sujets, puisque on est très engagé extrême gauche pour beaucoup de choses, mais d'un autre côté on n'a pas ce côté, même si on fait des reportages, des choses comme ça, ça reste toujours très proche du peuple, toujours très proche des gens. Voilà. Et ce que je trouve dommage dans ces radios, que ce soit Galaxy, que ce soit France Bleu, ces machins-là, déjà, ils ont les majors qu'ils ont au cul, qui leur disent « Les gars, je m'appelle Sony, là, tu vas me passer ça 15 fois sur la semaine, parce que ça va faire un tube. » Ils sont obligés. Ils sont obligés de le faire. Et donc, ils perdent leur indépendance, quoi, finalement. Moi, le jour, c'est ce que j'ai toujours dit en étant ici, j'ai dit « Le jour où vous m'imposez des trucs, mais c'est mort, moi, mon émission, je l'arrête tout de suite. » En fait, il y a un truc de base qui est essentiel, c'est que la culture ne peut pas être un produit. C'est impossible. C'est impossible que la culture soit un produit. Et comme on vit dans une société de produits... Et de logique commerciale. Et de logique commerciale, forcément, ça coince. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que des artistes qui, au départ, partent vraiment d'une émotion, d'un ressenti, et qui mettent leur trip à l'air, ils sont obligés, ils se sentent obligés parfois, pour avoir une certaine reconnaissance, de redessiner leur art pour le mettre dans une case. Baisser leur froc, quoi. Et c'est là qu'on est dans la merde. C'est là qu'on est dans la merde, parce qu'en fait, la culture ne peut pas être un produit. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une émotion, c'est un ressenti, c'est quelque chose qui ressort. Voilà, ça doit s'exprimer, et les gens doivent le ressentir. Soit tu le ressens, soit tu le ressens pas, soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas dedans. Mais voilà, après, rentrer dans une case, ça devient compliqué, et c'est là que tu perds ton âme, en fait. C'est ça. C'est là que tu te paumes. Oui, mais il y en a que ça ne dérange pas. Et donc, c'est le système qui a blâmé, c'est pas les artistes Tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que quand on est entré en studio, en week-end jam, la première fois, c'est qu'on est arrivé là, tous avec nos instruments, bien sûr, mais sans savoir ce qui allait se passer. Rien n'a été prévu, rien n'a été calculé, c'est juste nos tripes qu'on a, et nos cœurs qu'on a mis là, comme ça, tous ensemble, et on s'est donné une vraie chance en se disant « Ok, pour être même tout à fait honnête, en arrivant à ce premier week-end jam, je discutais avec le batteur dans un team, et j'ai pas de problème à le dire et que ça soit entendu. Il m'a dit clairement, je viens avec une ouverture d'esprit totale, mais ça passe ou ça casse. Donc ça se fera ou ça se fera pas. Ça s'est fait. S'est fait, mais on ne le savait pas au départ. Et donc il y avait, mais en même temps il y avait pas de pression. C'était clairement, on arrivait tous avec le meilleur de nous-mêmes. À faire ce qu'on a fait, et on n'a aucun regret, aucun. En fait, on s'est mis un challenge humain. On s'est dit où on est ensemble et ça fonctionne, ou ça fonctionne pas et ça a fonctionné. Mais si ça fonctionne pas en week-end jam, ça fonctionnera pas sur scène non plus. Oui, c'est ça. Et donc c'était ça le vrai truc, le vrai enjeu, il était là. C'est des discussions que j'ai quelquefois avec mon fils, un mec, puisque il a créé un groupe aussi, donc là ils sont en plein dans le délire. Je l'ai déjà dit, ils sont 7 dans le groupe, donc c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, ils sont tous étudiants. Ouais. Donc c'est oui. un peu le bordel parce que quand ils ont les partiels, quand ils ont ci, quand ils ont ça, ben ils peuvent pas répéter, ils peuvent pas ouais, ci, ouais. ils peuvent pas ça. Mmh. Ils ont pas le problème de du studio puisque le studio est à la maison. Mmh. Voilà. Ça aide beaucoup. On a amélioré. Elle est grande cette maison. Hein. Ben, il répète dans un studio de 25 mètres carrés quand même. Hein. Donc, écoute, c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Il y a pire. deux guitares, une basse, un beatmaker, un chanteur, une chanteuse et un batteur. Mm. Mais là, ça part en couille en ce moment. Parce que justement, ce groupe qui ne répète pas assez, parce que j'ai dit à Max, j'ai dit, mais il faut au moins que tu répètes deux fois, voire trois fois par semaine. Ouais. C'est pas possible autrement. Ils font une fois, quelques fois. Je crois qu'ils prennent plus du plaisir à jouer ensemble. Mm. Mais je sais que là, ils sont en train de commencer à composer. J'ai dit, tu vas voir, d'ici quelques temps, vous allez vous retrouver à quatre. Ouais. Il y en a trois qui vont se barrer, c'est obligé. Mm. Parce qu'ils vont sentir, qu'ils n'ont rien à faire. C'est clair, c'est pas évident. Et c'est marrant parce que c'est aussi une chose du Covid et aussi en lien avec le fait de pouvoir fonctionner en tant qu'artiste et de pouvoir gagner sa vie. Je remarque, c'est un peu comme Particules, mais il n'y a pas que Particules, hein. Il y a plein de groupes comme ça. Il y a de plus en plus de couples ou de duos qui se font. Bah, oui. La Gaze, c'est pareil. Oui. Et en fait, moi, je peux comprendre. Parce que humainement, à un moment, c'est plus facile de gérer. Bien sûr. Chacun trouve son équilibre et voilà. Mais c'est vrai que plus il y a de monde, bah, plus il faut s'arranger pour plein de trucs. C'est pas évident. Bah oui. Et puis après, disponibilité. Aussi la motivation, etc. Voilà. C'est pas toujours évident. Les gens ne se rendent pas compte, en fait. Les gens vont voir un groupe, mais ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière, de l'implication que ça donne. Et voilà. Et des concessions qu'il faut faire. Pour que ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Allez, Daguest et De Mars Model, et on se retrouve après. Et s'il vous plaît, ce soir, ce sera en vinyle que je vais vous les passer, ces deux-là. Ouais, avec grand plaisir. can't escape myself. The distant voice recedes to shatter all my pain. The abuse of years, my love life and I stalk me from side to side. I've died a million times since I was 21. Dreams of the past, J'aime bien les titres qui finissent jamais. J'aime bien ça. Ouais. Bah, c'est bon. Hein. C'était bon, hein. C'était bon. On sent quand même un peu les influences Killing Joke. Moi, j'aime bien quand même. Alors, justement, tu vois, c'est de ça. C'est marrant, tu lis dans mes pensées ou quoi? Ah, mais écoute, on est de la même origine. On va se paxer. On va y aller. On va y aller. Ouais. On a besoin de témoins. Non, parce que justement, j'allais parler de ça, justement, et c'est drôle, parce que j'ai lu un petit peu des choses vous concernant, et c'est marrant parce qu'on met, des influences sur Joy Division, et alors, moi, ça me saoule, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça me saoule, quand on essaye de mettre des étiquettes derrière des groupes. Mais nous, c'est difficile. Hein. Je sais pas où nous mettre, et en fait, en même temps, je m'en fous. Quoi. On est un typique, en même temps, on s'en fout. Bah, parce je fais ce que j'aime. Voilà, on fait ce qu'on aime. Ouais. Alors, le nombre de fois, tu vois, que je reçois des groupes et que je dis, bah, de toute façon, qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir que vous avez... on a tous des influences. Bien sûr. Moi, si je dois commencer à parler de mes influences, ben oui. Là, avant de venir à l'émission, j'écoutais Louis Clavis. Enfin, tu vois, j'écoutais un mec qui joue de la clarinette, puisque c'est mon instrument, c'est l'instrument que je joue. Mais c'est quoi cette histoire maintenant de vouloir mettre forcément des étiquettes derrière des groupes? Astra Sonic a son propre son, tu vois. Vous avez votre propre son, vous avez votre identité musicale qui est propre à vous. Il n'y a pas... évidemment, on sait très bien que tous les groupes ont des influences. Évidemment, depuis que vous êtes petit, vous n'avez pas écouté du Astra Sonic. Enfin, je veux dire, il y a eu d'autres choses. Mais à un certain moment, forcément, mettre une étiquette derrière un groupe, de dire... Ouais, ça c'est post-punk, ça c'est cold wave, ça c'est dark wave, ça c'est... Je trouve ça assez réducteur, en fait. Ouais, c'est réducteur. Je trouve ça assez réducteur. Et débile. N'oublions pas, encore une fois, que des groupes comme Joy Division, comme Sioux and the Banshees, comme The Cure, comme Simple Mind, Depeche Mode, je prends tous les gros groupes qui étaient connus à l'époque, c'était de la new wave. Et point barre. Ouais. Quand on écoutait de la New Wave, on écoutait ces groupes-là. Maintenant, on vient dire que Joy Division, c'est post-punk. Sioux and the Banshees, c'est post-punk. Depeche Mode, c'est de la New Wave, mais bon, à tendance un petit peu, quelquefois... Électro. Enfin, ouais. Voilà. On vient dire que tel groupe, maintenant, a des... Alors, les Cure, c'est devenu gothique. Faut savoir que on a vu aussi des trucs avec le fiston, comme quoi les Sex Pistols étaient devenus un groupe gothique. Alors là, il faut qu'on m'explique. C'est peut-être le contraire, en fait, les Sex Pistols. donc si tu veux, je pense que quelquefois les gens écrivent des super articles. Hein, y a pas de souci là-dessus. Mais on veut quelquefois trop aller chercher la petite bête. Et sans se dire à un certain moment, mais bordel, c'est de la musique, c'est de l'identité musicale. Ouais. Pourquoi essayer de... Voilà, après, je sais que vous avez... Ça s'entend quelquefois que vous avez des influences dans du Joy Division ou des choses comme ça. Ouais. Mais c'est pas ça, quoi. C'est pas du Joy Division. Enfin, je suis désolé, mais t'as pas la voix de Ian Curtis, quoi. Enfin, voilà. Le Tim, il joue pas comme le batteur de Joy Division. Enfin, on sent les influences, parce que forcément, musicalement parlant, il y a quelque chose, quoi. Mais mettre une étiquette derrière un groupe, je trouve ça mais débile, mais franchement, nul. C'est nul et chier. Bah, en fait, c'est surtout réducteur, parce que ça voudrait dire qu'on ne peut plus rien créer de nouveau. Mais c'est ça le truc. C'est ça le truc. Bien en sûr. Fait, on ne ferait que des redites, en fait. Mais vous trouvez déjà pas ce qu'on nous balance maintenant dans les... à la radio, à la télé, etc. Mais c'est exactement ça. Moi, je suis désolé, mais j'ai regardé il n'y a pas longtemps, ça m'arrive pas souvent parce que ça me saoule, la télé, je regarde pas. Mais je suis tombé un matin sur la chaîne qui s'appelle W9 et je suis tombé sur des clips. Je regardais pas la télé pendant un quart d'heure, j'ai eu l'impression d'entendre. Je me suis dit, mais c'est toujours le même artiste qui joue. Non, c'était trois artistes différents, c'est mais calibré, j'ai toujours l'impression. En fait. Mais c'est calibré. Voilà. C'est calibré. J'ai l'impression de toujours entendre la même chose. Au bout de trois titres, ça m'a saoulé. J'ai dit, bon, allez, vas-y, on va repasser à autre chose. Retournons aux sources, écoutons un bon Beethoven. ouais, bah oui. Mais oui, et je trouve ça dommage maintenant parce que on nous formate à ces musiques qu'on entend partout et que il y en faut, hein. Attention, hein, il en faut pour tous les goûts. Moi, je suis pas fermé à tout ça, mais à un certain moment, la soupe est bonne quelquefois à partir de la première cuillère, mais une fois qu'on a bu un bol, quelquefois on n'a pas envie de boire un autre bol parce que ça saoule, quoi, tu vois. Ouais. Et la musique qu'on a actuellement, c'est un peu l'impression que j'ai, c'est que on nous sert de la soupe. Et puis, quand on a fini notre bol, on nous dit « Ah ouais, mais attendez, il y a encore 3 bols à finir derrière. » Et puis, c'est toujours la même chose. Ouais, à un certain moment, je vois pas l'intérêt. On est d'accord. Vrai que le fait de ne pas se mettre dans une case, et d'ailleurs, je suis incapable de dire ce qu'on joue, en termes de style musical, je sais pas comment... On parle de rock progressif ou alternatif, on parle de plein de trucs. En même temps, quand j'entends le premier album qu'on a fait, Passengers, quand on entend maintenant le nouvel album, c'est plus la même chose. Et c'est juste qu'on évolue, qu'on fait ce qu'on est au moment où on crée les morceaux. Et c'est ça qui compte au final. Mm-hmm. Et donc savoir ce que je fais du chic ou du tchak, franchement, je m'en tape, quoi. Ben voilà, vraiment, je m'en tape. Ça n'a aucun intérêt. L'essentiel, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Après, bien sûr. Voilà, c'est tout. Moi, le truc, après, je m'en fous. Moi aussi, pareil. Hein, tu vois, on parlait tout à l'heure des différents groupes. Là, j'écoutais l'année dernière un groupe qui s'appelle Sexual Purity. Mmh. Donc, il y a un groupe ukrainien. D'accord. Tu prends ce groupe-là, tu prends Boyar Char, tu mets les deux à côté, c'est exactement la même chose. Mmh. Donc, à un certain moment, je me suis dit, mais qui a copié l'autre ? C'est ça. Et donc, c'est pareil, sur le premier album, c'est vraiment copie conforme Boyar Char. Le deuxième album, rien à voir. Parce qu'à un certain moment, ils ont. Tu vois, Dark Minimal Project, moi je leur ai dit aussi, le premier album très proche de Depeche Mode, le deuxième album rien à voir. Ouais. Voilà, parce qu'à un certain moment, peut-être qu'ils ont voulu ils ont voulu faire quelque chose d'une identité qu'ils avaient et puis des influences qu'ils avaient. Et sur le deuxième album, ils ont mis vraiment leur trip. Enfin, je dis pas que le premier ils ont pas mis leur trip, mais le deuxième c'était plus eux, leur façon d'être. Ouais. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi chez vous, c'est que... Tout à fait. Le premier album, très bien, même si déjà il est hors norme. Pour moi, il est déjà... Il rentre déjà pas dans une case, le premier. Voilà. Mais en fait, en même temps, c'est logique. C'est logique. Parce que pour le premier album, Seb et Rafa sont à la base d'Astrasonic. Enfin, c'est eux qui ont voulu lancer. Enfin, Astrasonic n'existait pas encore à l'époque, mais c'est eux qui ont lancé le projet au départ, que j'ai rejoint. Eux ont 10 ans de plus que moi. Et en fait, 10 ans, ça paraît rien. Enfin, c'est rien pour nous maintenant. Mais en termes d'influence musicale, eux sont bercés dans les années 80. Je suis bercé dans les années 90. On est en France, je fais un effort. Non, tu peux dire 90. Mais non, je fais un effort. Je suis poli. Mais c'est 70, donc, 90, moi, j'ai baigné dans le premier groupe que j'ai vraiment adoré. C'est les Guns N' Roses que j'ai eu le plaisir de voir à Werther il y a quelques années. Mmh. Mais c'était Nirvana, c'était Pearl Jam, c'était tout début du très grunge, en fait. Ouais, et j'adore le rock, je suis très rock. Mais eux étaient beaucoup moins rock que moi. Et je suis arrivé avec mes influences... dans un projet qui a bousculé leurs habitudes, habitudes et les schémas qui s'en étaient faits. Et alors, ce qui est très amusant et voire même très intéressant, c'est qu'il y a un morceau que j'ai entendu. En fait, je suis le chanteur d'Astrasonic, mais il y a eu un chanteur qui est resté un mois et puis ça n'a pas matché. Sur un des morceaux que Rafa avait composé pour le premier album, il y avait des paroles, il y avait une voix, il y avait une chanson qui existait. J'ai repris le morceau sans avoir les paroles, sans avoir entendu ce que l'autre avait fait. Et j'en ai fait complètement autre chose. Je ne sais plus quel morceau c'était. C'était très, très intéressant, en fait, d'entendre que sur une même musique, finalement, on pouvait la décliner de plusieurs façons. Et moi, j'ai apporté la patte que j'avais, ma sensibilité à ce moment-là. Et j'en ai fait ce qu'il est devenu. Mais c'est vraiment amusant de voir comme quoi on est... Se mettre dans une case, non, c'est pas... Je suis incapable de dire dans quelle case on est. Mars Model, c'est pareil, quoi. Le chanteur, il vient du métal, quoi. Enfin, oui, ouais, ouais. Enfin, quand j'avais appris ça, j'étais aussi sur le coup, quoi. Enfin, de dire, oh, mais je faisais du métal hardcore. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, voilà, quoi. Mais très bien, ok, pas de soucis. Hein. Mais oui, mais c'est vrai que, enfin, pour être aussi dans ces années 80, je pense que notre génération a été fortement marqué par ces années-là parce bien que bien sûr, elles sont très riches en même temps. C'est riche, très très hein. Riche. Parce que ça a été c'était un grand chamboulement, quoi, je veux dire, pour nous. Enfin, moi j'écoutais déjà du Kraftwerk depuis 76, donc c'était différent. Je connaissais déjà un peu ce côté années 80 électronique où il y a plus de batterie, où tout est remplacé par des synthétiseurs. Mais ça a été vraiment un grand chamboulement, quoi. Enfin, passer de Hendrix à Robert Smith, voilà, quoi. Mais ouais, et les années 90 ont été riches aussi, mais je pense elles ont été riches grâce justement à des groupes comme Nirvana, etc., parce qu'il y avait de la nouveauté qui arrivait, parce que les années 90, quand même, ça reste des années dance floor, très dance floor, ouais. Donc dès qu'on parlait du milieu underground. Ah merde, ce sera le mot de la soirée, ça. Ah, underground. Dès qu'on parlait de ce milieu-là, et forcément, on pensait à des groupes comme Nirvana, on pensait à des groupes comme Pearl Jam, comme voilà, et des gens qui étaient revenus aussi sur la scène, qui mettaient aussi un peu leurs pattes. Ouais. Mais il y avait vraiment deux côtés. Il y avait le côté dance floor, il y avait le côté underground, il n'y avait pas de juste milieu dans cette affaire-là, je trouve, dans les années 90. Il y avait aussi des groupes comme les Pixies ou Smashing Pumpkins, oui, où on a senti une influence 80 s'inscrire dans les années 90. Dans les années 90, ouais. Ouais, ouais, absolument. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et si on se repassait, un petit morceau de notre album, du nouvel album. Ouais, ouais, quand même. Ouais. Si on en passait deux, d'ailleurs. Ah, on peut en passer deux, ouais. Et après, ce sera tout, parce que en fin de l'émission, on repassera un titre qu'on a déjà passé, parce que voilà. Après, si vous voulez découvrir l'album, on vous dira où est-ce qu'il faut aller, où est-ce qu'il faut aller l'acheter, où est-ce qu'il faut aller l'écouter. Et puis, parce qu'il est hors de question que, comme d'habitude, je vous passe un album entièrement. Voilà, vous n'avez qu'à vous démerder aussi, aller chercher. Et puis voilà, Social Network. Ah ouais, ouais, excellent. Ouais. Allez, parfait. Et APAB. Et APAB, magnifique. Okay. Voilà, on reparlera de APAB après, parce que on va... on sent qu'on a discuté un petit peu avant. Vous êtes toujours sur les 89.7 FM dans l'émission Eclipse. Il est 22h35 et ben voilà, ben c'est mort. Je vais dépasser encore ce soir. Mais avec grand plaisir, c'est sûr. Pour nous aussi. C'est parti. It's yours, it's now, things happen, come on. Et ben voilà pour cet album qui s'appelle Society. Franchement, et si vous l'avez pas, il faut vous le procurer. Moi j'en ai un là, parce que j'en ai eu un ce soir. Je le vends. Cher, alors cher. Alors pour l'instant, on l'a même pas dédicacé. Alors justement, pour l'instant, il est à 50 euros, mais à la fin de la soirée, il sera dédicacé. Il en vaudra 150. Au moins, parce qu'on est deux. Non, Charline aussi, elle va me faire une dédicace. Oui, ah, ça va porter de la valeur tout de suite. Ah oui, mais on va monter dans les trucs là. Tout de suite. Ouais, donc on parle un petit peu de cet album. Tu voulais vous vouliez un peu en oui, donc en discuter sur la façon dont il avait été fait. Au départ, c'est les trois week-end jams sur lesquels on a ramené 45 idées, Rush qu'on a dégrossi, etc. Certaines idées qu'on a abandonnées quasi tout de suite parce que finalement c'était pas voilà. On a fait 15 maquettes et puis de là on a eu 12 morceaux et donc en fait tout l'album a été écrit, composé, déjà arrangé en bonne partie au River Studio à Auton avec Gus. Et puis, on a parlé des galères tout à l'heure, on a passé un peu vite dessus. C'est vrai que le studio a été inondé parce qu'il est le long de l'Ourthe. Et donc, il y a eu un mètre de flotte d'Ourthe qui est passé à travers tout le studio. Donc, des dégâts énormes, etc. Ça se compte en millions. Hein. Oui, et puis alors, mais pour des raisons moi, personnelles, musicales, etc., ça n'a pas marché, pourtant on a été loin, on a fait tout l'enregistrement de l'album là-bas, on a fait le mix, on a même eu un mastering, et voilà, mais finalement on n'était pas content, on n'était pas satisfait du résultat, et de fil en aiguille, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait. On avait fait une campagne de crowdfunding, c'est vrai qu'on n'a pas dit non plus, on a fait une campagne de crowdfunding pour cet album qui a bien marché, donc on a eu la somme même un peu plus que ce qu'on espérait, et finalement on se dit, on a un album qui va pas, qu'on veut pas sortir comme ça, et donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rembourse les crowdfunders parce que malgré tout ils ont mis des sous, et donc il faut être correct par rapport aux gens, donc est-ce qu'on les rembourse ou est-ce qu'on fait autre chose? Le travail était fait, était déjà bien avancé évidemment, et on s'est dit non, tant pis, on a mis tellement de notre énergie, de notre cœur dans cet album qu'on va aller jusqu'au bout, et donc on a trouvé un autre studio chez Jack, Canal 10 à Autrage. Jack est un ami de longue date, c'est chez lui qu'on a fait des résidences, la vidéo, qu'on a fait la vidéo de New Angels aussi, à laquelle d'ailleurs il a participé activement alors qu'il était juste supposé être présent pour allumer les lumières quand on arrive et fermer quand on part, mais finalement il s'est pris au jeu et Jack est un ami, il a filmé, il a fait plein de choses, et donc Jack est un ami vraiment de longue date, et c'est chez lui qu'on a tout réenregistré, donc on a réenregistré une deuxième fois tout l'album, on a refait tout un mix, et alors Jack nous a conseillé au niveau du mastering, il dit je veux pas le faire parce que comme j'ai fait le mix, c'est quand même bien que ce soit une autre personne qui le fasse, et il nous a conseillé d'aller au studio Electric City avec Alan Ward, qui a travaillé avec des pointures, c'est un anglais en fait qui vit en Belgique depuis une trentaine d'années, et qui est un gars absolument charmant et hyper sympa, et il a travaillé avec Ozark Henry, avec Moran, avec quelques grands quand même, et donc c'est vraiment quelqu'un de très très reconnu dans la profession, et donc on a eu la chance de le rencontrer, de passer une journée de master avec lui, et voilà, donc il nous a fait un mastering pour vinyle et un mastering pour CD, enfin pour version digitale, donc tout ce qui est plateforme CD, etc. Et donc voilà, ça c'était ça explique que l'album, finalement je crois qu'on a battu Cure qui a mis 3 ans à sortir l'album, je crois qu'on a mis 3 ans et demi nous, mais voilà, en même temps c'était pas vraiment l'idée initiale, mais voilà, c'est la vie et c'est comme ça, mais je pense que de toute façon les morceaux ont quand même un peu mûri aussi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé aussi. Bien sûr. Le temps n'était pas inutile. Le temps n'a pas été inutile. Et puis après, on a gagné en efficacité. Ici, l'enregistrement de l'album, Tim est le premier qui est entré en studio. Les enregistrements, finalement, ça a été assez vite. Ça a été une histoire d'un mois et demi. Tim est entré en studio le premier. En une journée, il a fait les 12 morceaux. Ouais, donc, il a envoyé, c'est une machine, clairement. Et franchement, Jack n'a pas eu énormément de boulot derrière de réédition parce que c'était vraiment très carré. Donc voilà, puis il y a Seb est entré en studio, c'est Rafa qui a suivi, et je suis allé deux fois deux jours pour enregistrer les voix. Les voix. Grosso modo, j'ai fait 3 morceaux par jour, sachant qu'en fait toutes les voix de l'album sont doublées. Et j'étais assez efficace aussi dans le sens où je faisais 3 prises et sur les 3 prises on avait les 2 voix. Et donc ça allait assez bien. Il y a pas mal de chœurs. En fait, moi j'ai essayé de gagner du temps et d'enregistrer chez moi avec mon petit matériel. J'ai envoyé pour l'album, j'ai envoyé 48 pistes wave pour toutes les voix de l'album, chœurs inclus. Donc, puisque les chœurs sont doublés aussi. Donc voilà, mais finalement ça n'a pas marché. Enfin, j'ai pas le même matériel évidemment qu'on trouve en studio, donc voilà, ça n'allait pas. C'était bien essayé, c'était gentil, mais ça n'a pas marché. Donc j'ai quand même dû tout refaire. Mais voilà, en 4 jours, toutes les voix étaient faites. Et puis après, ça a été le mixage et puis le mastering. Donc album. Très attendu par nous, par les fans aussi, mais c'est vrai qu'on a dépensé énormément de temps, beaucoup d'énergie aussi. Ça a été dur, franchement, ça a vraiment été dur. Et on a eu peur de perdre des gens à un moment, que les gens, tu vois. Mais c'est beaucoup de doutes, en fait. On a eu des doutes aussi, on a eu plein de choses, et au final, on se rend compte que les vrais fans sont toujours là. Enfin, les gens qui nous aimaient pour le premier album, bien sûr, ils sont toujours là, ils nous aiment, quoi. Enfin, ils aiment ce qu'on fait. Cerise sur le gâteau était que, oui, pourquoi le 26 mai pour la sortie de l'album ? Parce que c'était la date de la release. Donc, on avait réservé la Belle du Bois. Donc, c'est là qu'on ira le 12 octobre. Mais Rafa s'est pété le bras en allant chercher un petit pain au chocolat avant d'aller bosser. Oui, la gourmandise est un vilain défaut. Et donc, ça nous a coûté la release. Et il a été opéré, plaque, vis et tout le bazar. Je rassure tout le monde, ça roule maintenant. Ça va maintenant, on a repris enfin les répètes. En fait, en réalité, on pourrait faire un live dès le mois prochain, mais le truc, c'est qu'on veut être au top, quoi. Donc on attend le 12 octobre. Puis avec ton bras bionique. C'est ça. Mais j'ai une plaque maintenant. Donc attends. Pour faire les larcènes, ça va tout seul. Je mets mon bras devant la guitare et boum, ça part en larcène direct. Mais toi quand même, si tu prends l'avion à l'aéroport de Passonnet. Ouais. Fais gaffe. Ouais. Mais je crois que je vais la retirer en fait. C'est pas obligatoire de la laisser. Bon. On peut faire ça si tu veux. Maintenant. Ouais. Je m'en occupe. J'ai travaillé en salle d'op, donc ça peut le faire. Ça peut le faire. Ok, donc cet album, on peut le trouver où maintenant ? Alors, moi je suis assez partisan de Bandcamp. Je vais pas non plus. Il existe plein de plateformes en fait, mais c'est clair que Bandcamp est la plateforme qui rémunère soutient le plus les artistes. Les artistes et qui les rémunère de manière la plus équitable. Et là, vous pouvez facilement acheter effectivement en version évidemment numérique. Ouais. Alors pour ce qui est de la vente du vinyle et des CD, on est en train de mettre ça en place. J'ai envie de dire encore 2-3 semaines et ce sera ok et vous pourrez commander. Donc il y aura un lien directement sur notre site internet et on partagera ça de toute façon sur Facebook. Mais donc il y aura moyen d'acheter l'album et de le recevoir à la maison. Et puis, s'il y a des auditeurs qui vont à Bruxelles ce samedi, donc samedi 24, nous sommes à Bruxelles. Puisqu'on n'a pas pu faire la release avec un vrai concert, comme on aurait espéré pouvoir le faire, on a décidé de rebondir, de garder la date de la sortie et de faire le tour des brasseries. Donc on a fait 4 dates. Enfin, on fait 4 dates. Il y en a 3 qui sont déjà passées. Donc on est allé une fois, on a commencé par par Namur à la brasserie La Houppe. On a fait une fois à Liège à la brasserie belge. Jardine, on a besoin de toi. Parfois, désolé. On n'a rien demandé. Et une fois à Mons, puis, à la brasserie de Londres. Merci, on a la brasserie de Londres à Mons. Et puis alors, on n'a pas trouvé de brasserie à Bruxelles pour nous accueillir, donc on va au Cottage, qui est un super pub irlandais tenu par un ami, Gaëtan, qui, s'il est en ligne, on l'en passe. Et donc là, on sera là, l'album sera là en version physique. Et puis après, bah, il sera distribué. On est en discussion et ça va se faire de toute façon avec avec JL Marshall, donc qui a un site également sur lequel il va pouvoir vendre l'album. Et puis à la sortie des concerts, pour l'instant, l'album est en distribution, peut être en distribution officielle puisqu'on a fait tout ce qu'il fallait pour. On n'a pas de label, on n'a pas de distributeur, donc pour l'instant, c'est plutôt sur de concerts et aux endroits, et puis par notre page Facebook, notre site. Aussi l'occasion de venir vous voir en live. Bien sûr. Après le 12 octobre, ça va rouler. Voilà, et puis hors antenne, après, on va se donner des contacts. Je vais vous faire venir jouer ici dans la métropole. Bah, on aimerait bien. Avec plaisir, toi. C'est moi, je suis encore plus cher que toi. Allez. on va y aller. Je vais rentrer à ma maison. Alors déjà, ne me dis pas, je vais te payer en bière, parce que là, c'est foutu. Hein. C'est encore mort. Plus cher. C'est mort. Ok. Quelle heure se fait-il? Il est... 22h53. Oh oui, c'est pas mal, c'est bien. Ouais. C'est bien. Moi, je vous propose, parce que ce titre-là, je voulais absolument le passer ce soir. Ouais. C'est un morceau du premier album que j'ai toujours trouvé extraordinaire et que j'écoute très régulièrement, mais je vous le cache pas. C'est vrai? Ouais, très régulièrement, c'est Dragon's Fly. Ouais. J'écoute souvent ce morceau parce que, mélodiquement parlant, c'est extraordinaire. Ta voix posée dessus, c'est une tuerie. Et cette... Et cette ambiance qu'on a autour de... Tu vas pécho. Non, mais attends. Je crois pas, non. Et un seul pack, c'est par soirée, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Il est déjà pris. Je ne mange pas de ce pain-là. J'ai arrêté. Ça me donne mal aux cheveux. Mais non, mais c'est vraiment un titre que j'aime beaucoup. Et je voudrais le passer ce soir. En avant-dernier titre, parce qu'on passera encore un titre derrière. On avait encore prévu d'autres choses, mais là on va faire des émissions qui vont durer trop longtemps. Après, il faut avoir pitié aussi de vous qui allez retourner. Ça va aller. Ça on n'a qu'une heure et demie de route. Hein, demain, je suis en télétravail, je peux me lever à 8h, c'est bon. Ah ouais. Demain, je suis en congé. T'as plus de l'acheter là? Ben non, je suis désolé. je rigole. Mais bon, on verra bien. Allez, on passe le titre Dragonfly qui dure 7 minutes et on verra après comment ça se passe. Mais ce titre-là, franchement, allez, c'est vraiment pour toi ce soir. Alors du coup, une grosse tuerie. Merci beaucoup. Merci à toi, Franck. Merci à vous. Merci beaucoup. Far away, walk Carry on your lies. Don't carry all the life. Voilà, juste un instant, s'il y a un petit morceau qui avait été choisi par le groupe Astrasonic, hein, c'est Interpol. Interpol, moi j'en ai déjà passé, mais il y a un vieux titre que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà. Donc, voilà, nous sommes à la fin de cette émission. J'ai vraiment passé un excellent moment avec vous, franchement. Et nous aussi. Nous aussi, c'était sympa. C'était vraiment sympa. À refaire. J'espère qu'on va pas attendre 5 ans. J'espère aussi. Le prochain, ouais, on va essayer de le faire plus rapidos. Voilà, à moins qu'ils nous tapent un Covid-22. Mais ils sont bien capables. Mais ils sont capables. En tout cas, politicians, you know. Oui, justement, on n'a pas parlé de... APAB. Oui, donc le titre APAB, c'est All Politicians Are Bastards. Et donc, en fait, c'était pas calculé non plus, en fait. L'histoire de ce morceau, c'est le seul morceau de l'album, d'ailleurs, qui n'a pas été composé en Weekend Jam. C'est... un jour de week-end, je crois que c'était un dimanche, où je me lève, je me réveille à 8h du matin, je dis à Marie qui est à côté de moi, je dois descendre, j'ai une idée. Elle sait, quand je suis dans un état comme ça, que c'est, elle dit oui et c'est bon, je file, parce qu'il y a un truc qui se passe et voilà, je sais pas expliquer non plus. Mm-hmm. Et en fait, j'ai composé j'avais l'idée du piano de départ, ouais, du morceau, et je savais que c'était j'entendais dans ma tête que c'était un truc de piano, mais je joue pas de piano, je suis, mm-hmm, pas pianiste. Au départ, je suis batteur, mm-hmm, et puis je joue un peu de guitare, je joue un peu de basse, et puis je chante. Mais donc, oui, accessoirement, je chante, Charline. Allez, oui, je te jure. Je te découvre ce soir. On ne me dit rien. On me cache tout. Tu veux l'arriver aussi, décolle-toi. Oui, c'est ça. et donc, je descends, j'attrape une guitare parce que j'avais ça sous la main, et ne jouant pas de piano, je me dis, au moins, je veux capter les notes, donc, mm-hmm, je prends un petit enregistreur portable et je joue tin tin tin tin tin tin tin tin, et je fais ça sur un manche de guitare, et je me dis, bah, ça va, au moins j'ai sauvé l'idée, je peux remonter, et là, on va déjeuner, on lève les enfants, tout le tralala, mm-hmm, familial le dimanche, quoi. Et puis vers 10-11 heures du matin, je dis à Marie, il faut que je redescende, parce que il faut que j'y aille, quoi. Donc elle me laisse aller. Et tu me l'as envoyé, j'étais en Bretagne à ce moment-là. C'était en pleine grande vacances, en fait. Oui, c'est ça, c'est possible, voilà. Je me souviens c'était même. C'était en plein été, à mon avis, on devait être en 2021, un truc comme ça. Oui, c'est possible. Ouais. Et du coup, j'envoie l'idée au groupe, et je dis, enfin voilà, j'ai eu ça ce matin qui est arrivé, est-ce que ça vous parle, ça vous dit, on prend pas, mmh, voilà. Et alors, Seb, Tim, Rafa, tout le monde, ouais, c'est génial. Et Rafa me dit, attends, je vais te faire un truc à la guitare. Et il a chopé une guitare, du coup, en vacances. Et il m'a envoyé, en fait, une idée de guitare qui était assez complète. Mm-hmm. Et au final, bon, quand on écrit un morceau, la structure, elle n'est pas aboutie forcément au départ. Mm-hmm. Donc, ça se construit au fur et à mesure. Mais en fait, Rafa m'a envoyé toutes les parties de guitare qui sont existantes dans le morceau. D'accord. Il a envoyé tout. Après, bon, j'ai coupé. Enfin, c'est du travail. C'est du travail après de mettre en place les trucs, mais j'ai coupé les parties de guitare, les riffs. On a l'avantage. Bon, c'est vrai qu'on joue tous au clic. Mm-hmm. Sur scène, on joue au clic. On a tous le métronome. On joue en in-ear. Mm-hmm. Et donc, on a tous le clic. Et donc, d'emblée, on a ce réflexe d'avoir des trucs assez, mm-hmm, assez carrés, même quand on s'envoie des idées. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile de les travailler après, mmh, et donc on peut couper, c'est pas parfait, mais c'est juste du montage pour développer l'idée, mmh, et donc finalement ce morceau a été écrit, c'est un morceau plus de Rafa et moi, mmh, sur lequel Seb et Tim sont venus se greffer, mmh, et ont apporté leur touche aussi, bien sûr. Et alors, au niveau du texte, En fait, ça parle au départ de mon fils qui a maintenant qui a bientôt 14 ans, mm-hmm. dans 2 semaines. Et donc, quand il était enfant, il avait énormément de terreurs nocturnes et on ne le savait pas. En mm-hmm. fait, il nous le cachait. Et alors, il allait se réfugier dans la chambre de sa sœur mm-hmm. et il allait dormir parfois à même le sol. Il prenait juste sa couette ou son oreiller, voir l'un et ou l'autre. Enfin, ça dépendait. Mm-hmm. Et il allait se cacher là pour dormir en sécurité avec sa sœur. Et donc, en fait, tout le départ, c'est y a beaucoup le mot sister qui vient mmh. dedans, parce que c'est ce qu'il pouvait dire, à sa sœur. Et puis, y a beaucoup le piano que j'ai mis au départ, un son très mécanique, très... Mmh. très froid finalement et un peu, j'ai envie de dire un peu malsain. J'aime bien cette idée parce que c'est vraiment l'atmosphère que j'ai essayé d'amener dans ce morceau. Mmh. Et le mot « it » revient beaucoup. Mmh. Et en fait, « it », c'est ça de Stephen King. Mmh. Et c'est film d'horreur, enfin livre d'horreur, etc. Mmh. C'est un film que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, j'ai pas lu le livre, j'ai vu le film, mais j'aime beaucoup et je trouve que ce mot avait vraiment toute sa place. Et donc l'idée, c'est voilà, les terreurs nocturnes, il y avait des monstres dans le lit, enfin sous le lit qui se cachaient, une sensation de danger qui existait. Et puis à un moment, j'ai bloqué au niveau des paroles parce que je savais pas quoi dire de plus. Je ne sais pas comment l'idée m'est venue. J'ai discuté, j'ai lancé le groupe parce que parfois, quand je cale, j'interpelle le groupe, je dis je cale, j'ai besoin d'une idée, d'une inspiration, etc. Et donc, voilà, j'ai eu des propositions, mais il n'y avait rien sur lequel j'arrivais à accrocher de façon assez solide que pour pouvoir continuer le texte. Et puis, à un moment, je sais pas comment m'est venue l'idée, je me dis, au fond, est-ce que les monstres que je décris, est-ce que ce qui nous terrifie, ou ce qui est malaisant, malsain, ou que sais-je, existe encore? Et puis, c'est là que je me dis, mais au fond... qu'est-ce qui dirige nos vies, qu'est-ce qui fait Et donc, je ne parle pas de politiciens, c'est vrai que le titre, c'est « Tous les politiciens sont des bâtards », mais il n'y a pas le mot politicien, il n'y a pas le mot bâtard dans le texte. Ouais. C'est vraiment, c'est plus suggéré. Et finalement, ils dirigent nos vies, ils font les lois, mais finalement, j'ai 45 balais et ça me fout toujours les boules parce que quand je vois comment on est géré, en Belgique, mais je pense qu'en France, c'est pas forcément meilleur. Oui, les monstres sont toujours là et ils existent toujours. Et donc finalement j'ai trouvé une façon de rebondir, à leur dépens et tant pis pour eux, et je m'en tape, c'est cadeau pour eux, tant pis, mais donc voilà, j'ai pu rebondir. Et alors le truc, c'est que quand j'ai écrit le morceau, j'avais 43 ans, et donc à un moment, now I'm 43, et sur scène, c'est un truc qui va évidemment évoluer, puisque je ne resterai pas à 43 ans toute ma vie. Non, voilà, chaque année, le morceau sera inédit au moins une fois. 210. Non, je vais pas vivre jusqu'à 200 ans, je te rassure tout de suite, mais j'en ai pas l'intention. Mais dans le fond, on peut imaginer que c'est ce qui fait un peu peur aux ados et aux enfants. C'est ce monde qu'ils ont devant eux, en fait. Mais c'est catastrophique, bien sûr. Catastrophique. Ils en prennent conscience maintenant, plus maintenant. Après, quand ils sont plus jeunes, c'est encore flou dans leur tête. Quand on est un peu plus vieux, pour moi, le gouvernement est une mafia comme une autre. Hein. J'arrête pas de dire à mon fils, il va avoir 19 ans dans 2 mois. Lui, je lui dis tout le temps, je dis, mais casse-toi de la France, quoi. Mais casse-toi de la France. Oh, viens pas en Belgique, alors. Casse-toi ici. Barre-toi de ce pays. Barre-toi de ce pays de con, et puis va faire ta vie ailleurs, quoi. Mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour eux. Et puis, ça devient même compliqué pour nous. Parce que, moi, je devais être en retraite dans 3 ans et je dois encore faire une année de plus à cause de leur connerie de. Ouais, nous, c'est 67 balais. Hein. Oui, je sais. Vous avez. Ils nous l'ont bien mis. Hein. On n'a rien vu venir. On est professionnels, nous. C'est une mafia comme une autre. Ah oui, mais tu verras qu'en France on y arrivera aussi parce que. Bien sûr. On était les plus bas en départ à la retraite, donc là ils vont essayer de se mettre aux normes. Au niveau. Aux normes européennes, bien sûr. Là, on y arrivera. Bon, j'espère qu'ils vont pas me faire ça tous les ans quand même, parce que sinon. je vais avoir les boules. Et puis je veux partir en Bretagne, moi. Donc voilà. Bon, en tout cas, encore un grand merci pour votre venue merci à toi. Au studio. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir. C'est un plaisir. Même Charline, hein, voilà, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais... Ouais, je pense qu'on on va échanger après. Elle ne voulait pas, mais tu lui as un peu forcé la main sur le cou du micro et du casque, et je t'en remercie. Mais tu vois, voilà, c'est ce que je disais, hein, j'ai une amie, pareil que toi, hein, je parle pas, on a fait une émission de 4 heures la semaine dernière ensemble. Hein. Écoute, je reviens quand donc, tu veux. Donc voilà, tu vois, je crois qu'une fois qu'on oublie le micro, tu vois, je crois que c'est les 3 premières minutes quand tu commences à parler dans le micro, et après tu fais ouais bon il était rien de spécial quoi. Ouais, c'est une bonnette quoi. C'est une bonnette quoi, c'est tout. Bah voilà. Crache pas dessus quand même, ça m'a... Parce qu'il y a d'autres gens qui viennent après. Ça, le Covid est fini, hein, c'est bon. Ah, on mettait des machins, on mettait des cellophane, ouais. c'était sympa. Ah ouais, on avait l'impression de parler dans un tuyau de chiottes, mais bon, c'était sympa. Dans une capote. Ah, j'irais pas jusque là, mais c'est vrai que c'était pas loin. Bah voilà. Ouais, c'était pas loin. Un dernier titre avant de se quitter de cet album. Donc vous pouvez retrouver sur Bandcamp, sur les différentes plateformes, les informations pour après acheter le vinyle et acheter le CD paraîtront donc sur les Facebook, sur les plateformes aussi. Moi je ferai un petit transfert aussi dès que j'aurai des informations là-dessus. Vous retrouverez toutes les informations qu'il faut sur Astrasonic et allez les voir en concert surtout. Voilà, le 12 octobre à la salle La Belle du Bois à Mons, c'est pas trop loin quand on est de Roubaix, il y a moyen. Et vraiment là on va mettre les petits plats dans les grands quoi. Wow, ça va être chouette, ça va être bien. C'est un jeudi soir, donc pas d'excuse de un autre live machin bazar, parce qu'un jeudi soir en général il n'y aura rien. Non, mais il y a le taf le lendemain. Donc, ouais. Congé, attends, hein. Un petit jour de congé. Oh, allez. Ah ouais. Il y a toujours moyen de caser. Hein. Oui. Un petit rhume. Oui. T'as chopé un petit rhume. S'y prend à l'avance. Oui. Bah écoute, je vais déjà poser une journée, moi, pour le 13. Je dirai à ma chef, tiens, fais le 13, je rappelle. Mieux vaut. On va essayer de prévoir de quoi dormir sur place. J'aurais même le plaisir et l'honneur d'avoir toute ma famille sur scène. Oh, ça c'est magnifique, hein. Magnifique. Ma femme et mes enfants. C'est super. Je les embrasse. Ouais, et moi aussi, j'embrasse toutes les petits loulous. Là, ils écoutent pas encore, mais bon. Bah non, ils sont en examen, les loulous. non, mais c'est fini. Il a fini. C'est terminé. Moi pas. Il a fini. Allez, semaine prochaine, il y aura rien de spécial. Non, je reçois personne la semaine prochaine. Je crois que Astrasonic, ce sera le dernier groupe que je recevrai avant les vacances. Voilà, vous êtes le dernier groupe. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Ouais. On va pas se mentir. Voilà, après... Ça va sinon ? Oui, bien, merci. Ça gonfle pas trop, c'est vrai. Ah non, ça va. Ok. Et puis, il faut que j'arrête parce que là, je tousse. Oui. On termine sur un titre qui s'appelle Breaking Up. Breaking Up, qui est en fait le premier titre qu'on a composé dans nos fameux week-end compo. Donc c'est la première chose qu'on a fait quand on a décidé de jammer ensemble et de redémarrer de zéro. Et ben voilà. Belle conclusion de et cette il parle émission. De la société de consommation. Ah oui, il parle de la société et de consommation. Oui. Nous sommes dans une société de consommation. Ah bon, tu vois, c'est bizarre. Il paraît. En tout cas, je ne sais pas si on est dans la société de consommation, mais la consommation, elle a pris 30% quand même. Enfin, ouais. Ça, c'est autre chose. Ok. Bon, des gros bisous à vous. Et merci puis, à toi, Franck. Gros merci bisous aussi, toi, Franck. Merci aux auditeurs. Gros bisous aussi à Tim et Seb. Et Seb, voilà, qui ne sont pas là ce soir et puis qu'on embrasse beaucoup. Et donc, voilà, vous aurez aussi le podcast qui va suivre et... les informations qui vont continuer à suivre et puis peut-être des concerts ici dans la métropole, mais ça, on en reparlera plus tard. Ouais, ça marche. Allez, on vous fait des gros bisous et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée. Merci bisous. Ciao, ciao.